Entrevue de Daniel Ménard du 24 août de l'année 2011. Alors, dans le passé, j'ai déjà fait des enregistrements où j'ai utilisé le pseudonyme de Néo de Québec et c'est la raison pour laquelle vous pouvez m'entendre, entre autres, être interpellé par Daniel Ménard en tant que Néo. Alors, j'utilisais à l'époque ce pseudonyme et cette entrevue, j'ai décidé de vous la partager maintenant, étant donné que Daniel Ménard est décédé récemment. Et puis, c'est entre autres l'une des façons que j'ai décidé de prendre pour lui rendre hommage et que, à quelque part, les gens puissent bénéficier de l'héritage de sa parole, de sa vibration. Et cette entrevue que je vous partage dans les prochaines minutes, je trouve qu'elle trace un bon portrait par rapport à cette personne qui a œuvré dans le domaine de la conscience supramentale pendant plusieurs années, qui a été consultant, qui a donné du coaching auprès d'individus et qui a été également l'intervieweur de Bernard de Montréal pendant plusieurs années. Donc, c'est sûr que c'est une personne qui a apporté beaucoup dans le milieu du domaine de la conscience, à la fois par son humour, son sens pratique aussi, d'aborder la conscience dans une optique d'intégration au quotidien. Et sans plus tarder, alors vous allez l'entendre. Bonne écoute. Oui. Daniel? Lui-même. Bonsoir. Tu es présentement en onde. C'est parfait, c'est mon cher Noyau. Comment va? Je vais très bien. Excellent. Et... dans le fond... Oui? OK, parfait. Je suis dans mon auto. OK. Déconfortable? Très. Un bon siège en cuir. Excellent. Excellent, ça. Devant la forêt chez nous. Okay. Donc, c'est ça. On va débuter l'entrevue ensemble. Alors, peut-être pour te présenter un petit peu à mon public, toi, si je ne m'abuse, ce que tu as fait dans ton existence a été consacré une bonne partie de ta vie à l'étude du supramental. Oui, à partir de 30 ans. J'ai passé Bernard de Montréal okay. À 30 ans. Avant ça, j'étais astrologue. Je l'étais aussi quand j'étais avec lui, mais j'étais astrologue avant. Avant de le connaître, j'ai commencé à 19 ans comme astrologue professionnel. Et puis, j'ai rencontré Bernard à 30 ans. Là, j'ai 60 présentement. OK. Puis moi, j'ai 30 ans. Puis je te rencontre. C'est bon. Il te le dit, c'est une course à relais. Ouais, ben c'est ça. En tout cas, c'est bizarre parce que ça a débouché pas mal dans ma vie à cette 30e année. Puis, il y a plein de monde aussi, c'est le cas à 30 ans. Puis, si on en regarde, en tout cas, dans les traditions ésotériques, puis tout ça, c'est comme 30 ans, l'âge initiatique, où ce que Jésus a commencé à prêcher, puis toute la patente, là, tu sais. Puis, 33 ans, c'est un âge solaire. C'est la position du soleil qui revient exactement à la position natale, au degré et à la seconde près. 33 ans, 66 ans. OK. Pour en revenir, oui? C'est-tu possible? Comment? Il y a comme un délai entre... Oui, c'est... mais je peux rien faire là-dessus, malheureusement. OK, OK. Mais pour en revenir à toi, pour expliquer un petit peu ton cheminement qui t'a amené à justement rencontrer Bernard, est-ce que c'est suite à un traumatisme, à la perte d'un être cher ou... C'était... à l'époque... J'étais astrologue et puis j'avais une grosse clientèle. Je faisais à peu près 1500 consultations par année. J'étais pas loin du burn-out là, quand tu fais ça, quasiment 7 jours par semaine. J'allais à domicile aussi à l'époque parce que c'était pas légal. Et puis, j'étais réellement tanné. Là. J'étais fatigué. Là. J'avais besoin de quelque chose de nouveau. J'avais le goût de travailler avec du monde. J'avais essayé de travailler avec d'autres astrologues. Puis ça avait été compliqué un peu. Il y a toujours des guerres de territoire là-dedans. Là. Et puis Bernard, ben, ça m'a été présenté par une de mes clientes. Et puis, moi, je ne voulais pas avoir de gourou dans ma vie. Ben, je connaissais tellement bien le milieu ésotérique que je n'avais pas le goût de me tremper dans du gourouisme. Et puis, elle insistait beaucoup. Puis finalement, Bernard a accepté de me faire venir dans un mini-séminaire avant même d'avoir fait mon séminaire. Puis, j'aurais jamais fait de séminaire si je l'avais pas connu avant. Et puis, il a accepté que j'aille dans un mini-séminaire. Puis, ça a été le coup de foudre, ça a bien passé. Et puis, là, j'ai décidé ce jour-là de travailler avec lui. Mais je ne sais pas trop tôt comment ça a passé, mais c'était comme une certitude profonde de travailler avec ce gars-là. Donc, j'ai fait mon séminaire par la suite parce qu'il m'avait dit qu'il fallait passer par cette procédure-là. Et puis, je l'ai accompagné là-dedans. Puis ça a sérieusement modifié ma lecture de mon travail d'astrologue, qui était à l'époque extrêmement intellectuel. Et puis, avec lui, ben, j'ai appris à vivre ça d'une autre façon, avoir à vivre le destin avec une autre approche que celle que j'avais avant. Et avec le temps, ben, ça, le travail qu'il faisait, ça m'a imbibé dans du coaching. Fait que j'ai laissé lentement l'astrologie pour me concentrer sur l'accompagnement, du coaching pour les gens qui voulaient ni plus ni moins qu'intégrer le travail que lui faisait, parce que moi, je le comprenais instantanément et parfaitement. D'ailleurs, pour ça que j'ai travaillé avec. Et puis, après ça, ben, si c'était une question d'accompagnement pour les gens, pour qu'ils puissent arriver à vivre avec cette fameuse conscience-là, ben, je m'a les aider à ça. T'sais. Et parce puis, je pense... Cheminant, moi, il y a okay. Des questions spécifiques, là. Oui, ben ça me donne une idée en gros. Puis aussi, ce qu'il faut dire là-dedans, c'est que tu es devenu, à un moment donné, l'intervieweur principal là, de Bernard là, pendant plusieurs années. Là. Bon, ben, la raison principale, c'est que j'ai compris que dans son travail, il ne fallait pas avoir à penser une question. Il fallait simplement laisser parler. Et c'est sûr que ça se faisait sur le contact sans que j'aie vraiment conscience du contact à l'époque. C'était comme un muscle naturel, parce que étant donné que j'avais été médium longtemps, ça m'avait longtemps préparé à être un canal. Mais dans ce temps-là, le canal, il faut s'entendre, là, c'était plus à caractère astral qu'à caractère mental. Mais c'est quand même une préparation que j'ai connue pendant au moins 15-20 ans. Là. Et puis quand je suis arrivé avec lui, ben, c'était facile. T'sais. C'était comme être canal, c'est être canal. T'sais. Être canal, tu laisses parler, tu laisses dire les choses. Et puis, quand il me demandait des questions, ben, c'est comme inventer une question au fur et à mesure que lui parlait. C'est comme deux truites dans le ruisseau qui se suivent ensemble, ni plus ni moins. C'est un peu comme ça. Donc, c'était facile. Mais je comprends que pour les gens qui sont intellectuels, c'est difficile d'avoir cette perception-là qui est purement psychique, qui n'est pas psychologique, qui n'est pas intellectuelle, qui n'est pas rationnelle non plus. Mais ça a été la principale raison pourquoi je l'ai accompagné longtemps, c'est que c'était facile d'assimiler son matériel, parce que lui, il disait souvent dans ses conférences, il n'y a rien à comprendre. Fait que si tu ne t'attends pas à la compréhension de ces informations, ben, c'est comme tu fais une suite, comme on dit presque, je ne vais pas dire émotionnel, là, mais c'est comme une suite sentie. Tu sens la façon qu'il veut diriger la conversation, tu sens où ça s'en va. Et lui-même était canal. Fait que c'était comme deux canals qui, lui, c'est sûr qu'il s'alimentait à la source avec un plus gros débit, mais c'était comme aller à la même source puis être canal tous les deux de quelque chose. Fait que, moi, je pars toujours du principe qu'on est des messagers puis que c'est pas le messager qui est important, c'est le message. Et puis, il y avait un message puis j'avais accès au même message, mais avec une formulation différente parce que j'avais une programmation karmique différente de la sienne, ça va de soi. Parce qu'on n'a pas toutes la même fonction dans la vie, mais on peut s'abreuver de la même source, peu importe qui on est. C'est ça, en gros. Et puis, je serais curieux de savoir, justement, après ton passage avec Bernard, parce que, bon, actuellement, Bernard est décédé depuis plusieurs années, je serais curieux de savoir où ce que tu en étais dans ta vie par rapport à tout ce cheminement-là que tu as fait. Bernard, quand il est mort, il nous avait préparé à sa mort, parce qu'il était... Il était 8 ans malade, tu sais, fait que je l'ai vu mourir. Ça a été long, son affaire. Mais d'un autre côté, comme je te dis, il était canal, fait que les forces à travers lui, ils nous ont appris à nous détacher du personnage. Puis dans mon cas, ça s'est détaché avec, peut-être pas facilité, mais avec une compréhension du fait que son travail, lui, comme canal, avait fait son terme. Et que l'environnement à qui il avait donné les principes était nécessairement obligé de les appliquer, de vivre avec. parce que tu peux pas être conscient si tu vis pas ta vie. Il faut vraiment que tu vives pour comprendre ce que c'est une vibration, parce qu'il n'y a vraiment rien à comprendre au niveau de l'intellect. C'est tellement simple, la conscience, que ça n'est affolant pour l'ego, tu sais, parce que l'ego, il cherche des affaires compliquées. Et puis, tu sais, suivre une vibration, c'est comme faire l'amour, ça ne s'apprend pas dans les livres, ça se vit. Fait que la vibration, c'est une chose qui t'habite, parce que la vibration vient de ta propre source, de ton esprit. Lui appelait ça le contact, le double. Dans d'autres religions, même la religion catholique, on parlait de l'ange gardien. C'est une force qui te pénètre et qui est toi, mais qui est toi sur un autre plan. Et puis, c'est une symbiose qui se fait, si je prends l'exemple du computer, l'ego, c'est l'ordinateur, le programme, c'est l'âme, puis l'esprit, c'est celui qui pitonne au clavier. Fait que tu ne peux pas diviser l'esprit de l'être. Et même si l'âme prend bien de la place dans la vie pour l'exploration et l'expérimentation, ça reste toujours que c'est l'esprit qui a la facture immortelle du lot. Parce que le programme, il va être désuet, il va avoir besoin d'une version 3, 4, 5, 6. Puis ça, c'est les réincarnations. Puis le computer aussi, il te fait évoluer. Mais ce qui évolue pas, parce que c'est un élément qui est déjà développé, c'est l'esprit. Fait que c'est comme quand l'esprit te pénètre ou t'habite. Bien, c'est là que tu es conscient d'être messager. Puis c'est là que tu vois que le message, c'est ce que tu as à faire, mais ce n'est pas ce que tu as à comprendre. Ce que tu as à comprendre, ce n'est pas sûr que tu vas le faire. Mais ce que tu as à faire, peu importe que tu le comprennes ou que tu ne le comprennes pas, ça va te mettre en vibration, puis ça va te placer dans une situation d'exécution de ta programmation. À savoir pourquoi tu es programmé, bien là, ça revient tout le temps à la fonction ou au mandat cosmique que Bernard parlait à l'époque. Et puis, c'est intéressant parce que là, ça va déboucher sur une thématique que je désirais aborder avec toi, c'est-à-dire celle de la liberté réelle qu'a l'individu. Oui, ben, donc tu parles à un astrologue, fait que liberté puis destinée, ça fait un drôle de mélange. J'ai passé ma vie à essayer de comprendre le lien qu'il y avait entre ce qu'on vivait et puis l'invisible. Et puis, évidemment, quand tu passes, moi j'ai commencé à 15 ans là-dedans, surtout vers 17 ans, j'avais assez de matériel parce que je prenais des cours en hypnose, en magnétisme, en tout ce qu'il y avait d'ésotérique à l'époque. Et puis, c'est sûr que quand tu comprends que tout est marqué, parce que tout est conséquentiel, que si tu poses la main sur une chose, ça va faire un rapport avec d'autres choses, puis que finalement, tu es lié aussi télépathiquement à plein de gens qui sont en contact avec toi. Mais quand tu observes ça pendant 20 ans, 30 ans, c'est bien évident que la notion de liberté est très relative. T'sais. Fait que, t'sais, moi, personnellement, j'ai beaucoup de chats chez nous, j'en ai une trentaine, puis une là, qui est morte il n'y a pas longtemps, a dû se faire bouffer par un pécan ou un loup ou un coyote, je ne sais pas trop, en tout cas. Elle s'est fait bouffer, ça c'est clair. Mais moi, je fais de la fièvre quand je perds un chat. Fait que j'ai su qu'elle était morte parce que j'ai fait de la fièvre. Puis c'est comme ça à tous les chats que je perds. Fait que tu es lié à ce qui est proche de toi. Imagine-toi des êtres humains avec qui tu as des expériences à vivre, autant d'un point de vue négatif qu'au point de vue positif, mais tu les vibres à distance. Et si tu vis un parallélisme aussi développé avec des gens proches, ben, tu t'imagines que le destin est impliqué là-dedans, parce que ça veut dire que tout être est conséquentiel d'un autre, et puis toi-même, tu es une conséquence pour quelqu'un aussi. Fait que pour moi, la liberté réelle, en tout cas pour ce qui me reste de perception qu'on peut vivre un changement et que l'ego peut avoir une impression de contrôle, c'est la lecture. Je disais souvent à mes gens dans mes groupes privés, je disais, écoutez, vous ne pouvez pas changer votre vie. Votre destin va vous imposer des tests. Des tests, ça, c'est des facteurs négatives dans votre vie. Vous allez vivre une expansion ou une énergie de, réellement de plus facile ou de bonne vie ou de vie facile que si vous passez les tests. Et la vie, c'est une machine à piton, c'est un clavier d'ordinateur. Tu presses un E, tu vas avoir un E à l'écran. Tu presses un L, tu vas avoir un L à l'écran. Mais étendez-vous pas à peser n'importe quoi sur votre clavier et puis avoir une belle phrase bien écrite. Ça demande une bonne organisation de ce que tu vibres. Quand tu vibres quelque chose, ça demande d'être agi avec une certaine ordre, une certaine cohérence. J'applique beaucoup sur le mot cohérence parce que ce qui donne les problèmes aux gens, c'est l'incohérence. quand une personne vit des tests négatifs, c'est parce qu'elle est placée dans un champ d'activité qui est incohérent et qui est aussi relationnellement incohérent. Tu peux avoir une personne dans ta famille qui vit un excès de déprime ou de dépression ou un suicide, puis ça va t'affecter à distance. Ça, là. Fait que ton incohérence, tu n'es pas toujours responsable. Tu peux être victime d'incohérence de ton milieu. T'sais, le chaos, ça affecte la planète dans les prochaines années à cause des conditions économiques. Tout le monde va être affecté, même les plus riches, même les gens les plus ordonnés, les plus organisés au niveau de leurs finances. Donc, quand on parle de liberté, la seule qui me reste, moi, que je peux considérer qui est vérifiable, si on peut parler de possibilité de mesurer ça, de la liberté, c'est une capacité de lecture. Comme j'en suis rendu, moi, dans ma propre vie, à comprendre que mes vies se changent par mon taux vibratoire, mm-hmm. donc mon niveau de conscience, si vous aimez Dieu, c'est sûr que plus j'élève mon niveau de conscience dans une capacité de vibrer et d'agir et d'éliminer le caractère intellectuel qui est la compréhension pour en être strictement au niveau du fait que si je vibre et j'agis instantanément, j'ai la possibilité d'éliminer les mouvements polarisés de l'âme. Et là, à ce moment-là, ça va m'élever au-dessus des factures négatives puis même positives, basic, de base, donc instinctives qu'on rencontre dans l'âme. Exemple, je serais marqué pour avoir un accident. Je vis un choc avant l'accident parce qu'un accident, c'est une conséquence d'un déséquilibre psychique. Donc, je vis la perception psychique et à ce moment-là, je suis assez allumé pour poser un acte qui va enlever la conséquence physique. Et conséquemment, j'élimine le choc physique. Donc, j'élimine la possibilité d'avoir un accident sur la route. Excuse-moi, mon taux vibratoire a fait une lecture okay. qu'on pourrait appeler de la prévision, appelle ça comme de la voyance, appelle ça comme tu voudras. J'ai été capable d'agir avant que la situation descende dans la forme, dans la matière. C'est la seule liberté que je peux voir à date. Mais ça n'empêche pas l'événement de se produire. Oui, mais à ce niveau-là, je serais curieux de savoir, pour aller encore justement avec l'exemple de quelqu'un qui empêche qu'un accident d'automobile qui arrive parce qu'il tourne le volant assez rapidement avant que l'autre char il rentre dedans, est-ce que ça peut ressembler à ça ou... Ça peut ressembler à ça, parce que c'est encore de la mise en vibration, ça. Tu es mis en vibration, tu n'as pas le temps de penser, tu agis réflexe, mais c'est quand même une lecture vibratoire. Tandis qu'une personne qui va être logique, qui va faire intervenir l'intellect, son temps de réaction va être trop long, donc conséquemment, il va avoir l'accident. Parce qu'il ne sera pas capable de se réajuster assez rapidement de la vibration de son contact. C'est ça? Exactement. OK. Écoute, la cinquième race, c'est la poussée du développement de l'intellect. La quatrième race, c'était les Atlantes. Eux autres avaient à développer le corps émotionnel. Nous autres, on a hérité d'un corps émotionnel plus raffiné que les Atlantes, parce qu'eux autres ont passé un bon 2-3 000 ans à travailler dans l'Atlantide le corps émotionnel. Nous autres, on passait 2-3 000 ans à travailler l'intellect. Et le supramental, c'est la science vibratoire. Donc, c'est des êtres qui vont apprendre à lire la vibration et en faire une science. Donc, ce n'est plus avec la recherche qu'on connaît au niveau de l'ego. Il n'y aura pas de vérification empirique à l'époque. Il va y avoir une vibration et une action instantanée. La science va se développer à une vitesse d'enfer avec les gens de la sixième race. Là, on est au début de ça. Et ça va se passer au Québec, c'est dans l'ère du Verseau. Ça part de là et après ça, ça se développe à l'international. Mais il faut qu'il arrive des gros chaos internationaux qui passent par le fait de Pluton qui passe en Capricorne. Jusqu'à 2026, là, on va voir toutes les grosses structures, les universités, les structures gouvernementales, ces choses-là se faire bouleverser à tour de bras. Et puis ça va permettre l'émergence, quand Pluton va arriver en Verseau, ça va permettre une émergence d'une nouvelle forme de science qui va être plus basée sur la vibration que sur l'intellect. Et là, on va pouvoir dire que c'est la fin de la cinquième race, qui était l'ère du poisson. Donc, ça se terminerait en 2026 dans ce coin-là? Oui. La mutation, ce que les gens appellent l'apocalypse, c'est le changement de direction du mental humain. C'est ça qui est l'apocalypse. Mais ça a des gros effets concrets, il faut s'entendre. Bernard m'avait déjà dit, si le monde était capable de saisir mon travail dans l'instantané, il y a des bâtiments qui disparaîtraient de la planète. Disparaître littéralement. Parce que La structure matérielle qu'on crée, les bâtiments, ces choses-là, sont bâties à partir d'une perception mentale. Et si tu changes ta perception mentale, tu changes la forme automatiquement. Pourquoi tu penses que ça change aussi vite et aussi rapidement les anciennes structures à cause des médias sociaux? C'est la communication que les forces veulent installer sur la planète en premier. Quand les forces vont avoir installé un réseau de communication qui est évidemment, pour l'instant, à caractère social et puis, on va dire, presque ludique, ils vont commencer à installer un autre niveau de communication qui va être un niveau de communication psychique. Ce que Bernard vivait, qui était comme une fusion, ben, tout le monde va avoir accès à ça quasiment à naissance. Les jeunes comme toi, là, les jeunes de cette génération-là, comme mon gars qui a 33 ans, moi, je l'ai fait parler sur le contact qui avait l'âge de 5 ans. Puis après ça, je l'ai fait parler en public qui avait 12, 13, 14 ans. Il y a des gens qui écoutent présentement l'émission qui ont été témoins de cette période-là. Puis toute sa vie a été comme, comment je dirais ça, soutenue par un mouvement qu'on pourrait qualifier de télépathique. Il n'a même pas fini sa 12e année, puis aujourd'hui, il y a une business qui rapporte un million de chiffres d'affaires par année. Pourquoi faire de l'argent, c'est juste une question de bonne décision. Oui, ben c'est excellent, mais dans le fond, si je te comprends bien, c'est que les enfants, dans les prochaines années, ils vont être beaucoup plus conscients, un peu comme peut-être l'ont annoncé beaucoup de gens par rapport à ce qu'auraient des enfants indigo, entre autres, là. Bon, je connais pas tellement les nouvelles modes X, Y, Z, là, je connais pas ça. Je peux juste dire une chose, c'est qu'on est un peu comme des rats. Tu sais, un rat, quand il s'habitue à un poison, ben sa progéniture est comme inoculée contre le poison. Bon, ben, moi, je figure que les jeunes comme toi, vous devriez être plus conscients que nous autres à notre époque, parce que vous n'avez pas les limitations qu'on a eues, nous autres, avec la religion, la sexualité, puis ces bébelles-là. Vous vivez plus votre vie. Au maximum, tu sais, vous allez plus traiter avec le rejet dans le couple, avec les problématiques basiques de la vie. Là. Vous autres rendus à 30 ans, c'est l'équivalent de nous autres rendus à 60 ans. Fait que c'est sûr que vous avez un gros avantage, puis vos enfants vont également avoir un gros avantage parce qu'ils n'auront pas besoin d'aller à l'université. Ils vont avoir besoin simplement de lire un livre, de capter une expérience, de voyager, de rencontrer des cultures, puis de capter l'ambiance, l'environnement, puis ça va être suffisant pour leur éducation. On s'en va vers ça. On s'en va vers le monde de l'autodidacte. C'est le monde du verso. Hein. Fait que moi, je suis verso personnellement, puis j'ai été extrêmement autodidacte dans ma vie. Moi aussi. J'étais à l'université, mais c'est pas ça qui m'a aidé le plus. Oui, ben moi aussi, je suis du signe de verso, fait que c'est pour ça que je m'intéresse à ce type de choses-là, puis je fais des émissions qui ont attrait justement au supramental, au paranormal, ce type de phénomène-là. Le supramental, si tu veux avoir ma définition, c'est la théologie scientifique des temps futurs. C'est comme ça que je vois ça. Fait que les gens qui disent être supramental, faut pas que ce soit de la philosophie. Si c'est de la philosophie, ils sont pas supramental. Être supramental, ça suppose que tu connais la vibration, que tu vis avec la vibration. Tu peux pas faire un livre sur le supramental. Tu peux parler des principes, mais tu sais, un principe, ça s'écrit en 5 pages, puis c'est fini. Là. C'est de le vivre qui est la clé là-dedans. C'est quand ton mode de vie, c'est d'attendre la vibration pour faire n'importe quoi, je pense pas que tu puisses donner un guide de recettes là-dessus. Il y a tellement de monde qui me demande des recettes. Je dis, écoute, la recette ultime, là, c'est d'aller par en dedans puis te demander qu'est-ce que tu as à faire. Puis quand ils te le disent, de le faire. Parce que si tu le fais pas, ils te le disent plus. Les forces, il y a une règle bien absolue. C'est où tu vis ta vie, où quand ils te parlent, tu agis sur ce qu'ils te disent. Fait que ça devient comme avec le... Tu sais, au début, on pense qu'on est comme commandé. On est... Maman disait tout le temps, je ne peux pas faire ce que je veux. Puis je comprends ce qu'il veut dire parce que quand les forces se présentent à toi, ce que tu vibres, c'est toi ailleurs, mais il faut que tu donnes à cet ailleurs-là, qui est un plan invisible, il faut que tu lui donnes la puissance que tu as quand tu as un GPS dans les mains. Si le GPS te dit de tourner à droite, puis tu fais à ta tête, tu tournes à gauche, parce que tu penses logiquement que ça n'a pas d'allure, le GPS, bien, tu te rends compte que tu ne peux pas te servir d'un GPS. J'ai un de mes amis, il s'est astiné avec son GPS pendant quasiment un an de temps. Donc, tu sais, achète-en pas, bonhomme, si t'en as pas besoin. Bon, ben, quand t'es dans la conscience supramentale, et c'est où t'es un philosophe, ce qui est à peu près ce qui se passe dans ceux que je connais, là, ou bien tu vis, ton mode de vie est appliqué à ça. Là. Si ça te dit le matin, tu ne vas pas travailler, ben tu ne vas pas travailler. Là, tu dis, j'ai peur que le boss me mette à la porte. Bon, OK, correct. Tu y vas, puis tu as un accident. Tu aurais dû pas y aller. T'sais. Mais les forces te l'ont dit, tu n'as pas écouté, puis là, tu as eu un smash. Puis là, ça fait que tu es obligé de prendre une semaine pour ne pas aller travailler. Donc, pour les gens qui sont logiques, c'est difficile, c'est très, très, très difficile d'avoir accès à la conscience supramentale. Ils vont être curieux parce que ça donne un nouveau langage, ça donne la sensation d'avoir un langage plus puissant, ça stimule la rébellion ou le caractère rebelle de certaines personnes. Mais moi, je vais vous dire, j'ai vécu une vie de rebelle. T'sais. J'ai vécu à 15 ans, dire à mon père, je vais être astrologue plus tard, puis quand j'étais rendu à 20 ans, puis j'étais à l'université, t'as-tu encore le goût d'être astrologue? Puis là, j'ai dit plus que jamais. T'sais. J'ai étudié en administration, en marketing. J'étais premier de classe en plus. Fait que, il n'en venait pas que je continue là-dedans. Mais tu sais, quand tu fais 1500 consultations par année, puis tu fais 60 000 piastres par année dans les années 70, lui, il disait, ouais, au moins, t'es bon vendeur. T'sais. Mais dans le fond, si je te suis bien, c'est que ça demande de faire un acte de foi, tu sais, oser d'agir sur la vibration parce qu'on n'a pas de preuve, on n'a pas de garantie intellectuelle. Ouais, peut-être que pour un ego, c'est un acte de foi, mais moi, je suis pas un gars, j'ai le foie à bonne place, et puis je déteste à manger du chocolat, tu sais, mais c'est pas un acte de foi. Non, je suis pas un gars ben croyant. Moi, quand j'ai rencontré Bernard, même au bout de 4 ans, il dit, « Hey, gros Ménard, là, il dit, t'as-tu été titané de m'étudier? » Je dis, « Non, j'ai pas fini encore. » Puis, il me trouvait gossant là-dessus parce que j'essayais tout le temps de voir s'il n'était pas un charlatan. Puis, tu sais, il était weirdo en sacrement, je peux dire ça, même. Puis, du coup, je l'ai checké longtemps. Même à la fin, je dis, il est humain, lui-là. Là, il est, parce qu'à un moment donné, tu finissais par penser que c'était un extraterrestre, ce gars-là. Là. Mais c'est un homme, tu sais, c'est un homme, comme tout le monde. Sa famille, elle voulait qu'il soit un homme aussi. Mais c'est ça, c'est qu'il y a le messager, puis il y a le message. T'sais. Moi aussi, j'étais un messager aujourd'hui, puis je l'ai toujours été, mais disons que j'en ai pris conscience avec lui, là, dans un sens, parce qu'à faire la différence entre l'homme qui aime les chemises à 1000$, puis moi qui aimais les computers à 1000$, puis qu'on voyait des différences. Quoi qu'il était Lion, moi j'étais Verseau, on s'entend que c'était opposé. Hein. Fait que là, j'ai vu qu'il y avait l'homme, tu sais, puis l'homme, il a été critiqué beaucoup, puis il a été mis sur un piédestal beaucoup, mais ce qui est important, c'est pas Bernard de Montréal, c'est le message qui a passé à travers Bernard de Montréal. Au même titre que si moi, je meurs un jour, je veux pas que les gens disent, ben ce gars-là, il était ça, je veux qu'ils prennent le message, puis tous les initiés, parce que je suis un initié, Bernard est un initié, puis peut-être qu'il va y en avoir une cinquantaine d'autres qui vont apparaître, je le souhaite, parce que puis on est fou, puis on rit. Mais c'est sûr que les gens qui vont les initier vont avoir un message à laisser, tu sais. Et moi, j'appelle ça une trace historique, quoi que ce soit. Ils vont avoir leur signature. Ils vont découvrir un aspect de l'application de la conscience, parce que là, lui, il a descendu pas mal tout ce qui était virtuel, là, la conception du supramental, mais il va falloir bien des gens pour trouver des champs d'application. Moi, le mien, ma signature, c'est de faire comprendre aux gens l'importance de la contraction puis de l'expansion, tu sais. Fait que, tu gars, j'avais une émission avec toi, donc techniquement, c'est une expansion. Ben, j'ai eu une chatte, j'ai perdu une de mes plus belles chattes là, de ma portée. Puis là, ben, j'ai dit, ah, vous êtes baveux. Ils ont dit, tu vis de l'expansion, fait qu'il faut que tu aies une zone de contraction avant. C'est cochon pas à peu près. J'ai dit, il faut que je parle mes 30 jours pour faire des émissions. Là, on m'a cancellé ça. Là. Mais ça marche, oui. C'est des règles du jeu. Il y a comme, si tu es en lien avec la théorie, c'est-à-dire le concept de polarité, où ce que si tu montes haut avec un état d'euphorie, il faut que tu vives un état dépressif compensatoire. Généralement, l'état dépressif est avant. Oh. Avant de mettre du café, tu mets une tasse. C'est la tasse qui est dense. Le café est fluide. Fait qu'ils te mettent, ils te font créer une tasse pour recevoir le café. Fait qu'ils vont te faire recevoir de la conscience après que tu vas avoir vécu de la contraction. C'est très, très difficile d'éviter l'initiation. C'est pour ça que je dis, les gens, ils vont avoir des initiés. Parce que qui dit initié, dit initiation. Ça va ensemble. Moi, la vie de Bernard, puis la vie que j'ai vécue, je la souhaite pas à personne. On l'a vécu parce qu'on était fait pour. Mais quand je vois du monde courir à l'idée d'être conscient, je dis, hey, prends ça relax, bonhomme, parce que tu vas voir que c'est pas si facile que ça d'être conscient. Ben, ça implique la souffrance, ça. Pardon? C'est parce que ça, de ce que je comprends, c'est que ça implique de la souffrance là, à ce moment-là, tu sais, vivre les périodes ça implique de la contraction, oui. Ça dépend. Il y a des, tu sais, un gars peut aimer s'entraîner chez Nautilus, il peut aimer s'entraîner pour les Olympiques, mais ça reste qu'avant d'être prêt pour les Olympiques, tu as pratiqué avant, donc tu t'es développé une tasse avant de pouvoir recevoir la médaille. Là. Mais les gens, ils veulent la médaille sans effort, ça ne marche pas comme ça. Là. Il faut arrêter de rêver. Là. Et puis, pour les gens qui nous écoutent et qui nous écouteront, étant donné que l'émission est enregistrée et elle va être disponible sur Internet, comment est-ce qu'on peut faire pour savoir si on est un initié ou on a à faire quelque chose par rapport à ça? Une des marques des initiés, c'est la générosité. Pas dans le sens financier, parce qu'il y en a qui peuvent être initiés et qui sont pauvres comme Job, ce qui est mon cas. Mais c'est généralement des gens généreux. Ils sont généreux parce qu'ils sont capables d'écouter l'autre. Il faut être une grande écoute de l'autre, de ce que les gens vivent, puis une volonté de t'impliquer dans un mieux-être. L'être, il vient au monde avec beaucoup d'obstacles, et puis d'aider les gens à éliminer des obstacles, même si ça se fait à petit niveau. Tu sais, je peux presque dire qu'une mère de famille est un initié pour ses enfants, dans un sens, parce que toute son expérience de vie qui sert à permettre à l'autre de progresser, ses enfants, j'entends, ben, c'est une forme de comportement d'initié. Donc, c'est parce que quand on parle d'initié, on s'attend tout le temps à toucher à des foules. Moi, j'étais jeune, je savais que j'avais une psychologie pas normale, là, ce qui était, ben, tu sais, pour être astrologue, il ne faut pas que tu sois bébé normal, surtout quand tu vas à l'université et dans un collège classique. Là, t'es pas, normalement, tu n'es pas destiné à ça. Mais j'avais comme, moi à l'époque, ce qui était mon trip, là, c'était d'aider les femmes à se libérer de la domination de l'homme. Il a fallu que j'apprenne à me libérer de mon hommerie vis-à-vis de la domination que j'avais sur les femmes. Ça a été très long, un bon 30 ans certain. Puis je pense qu'aujourd'hui, c'est pas mal plus, c'est plus facile de voir le comportement féminin. C'est ça. Moi, j'avais le goût de libérer les femmes de la domination masculine. T'sais. Ça a été comme un mandat personnel. Ce n'est pas le mandat de Bernard, mais être initié, ça implique surtout de comprendre des aspects psychologiques puis des aspects psychiques de l'être qui font que tu poses des actes qui vont amener une amélioration de la vie de ton environnement. Un gars comme Jack Layton, qui vient de mourir, là, mm-hmm. Pour moi, là, la façon qu'il opérait, là, il avait la nature de l'initié, ce gars-là. Il faisait de la politique. Mais il avait quand même une nature d'initié. Tu peux avoir des gens qui sont initiés sans vouloir être initiés, puis sans savoir qu'ils sont initiés. Ce n'est pas nécessaire d'avoir l'étiquette, parce que les gens font, à cause de l'ego, bien souvent, ils vont se donner une autorité avec ça qui n'est plus de l'initié, mais qui est du maître. T'sais. J'ai vu beaucoup de gourous dans ma vie. Il y a beaucoup de gens qui veulent s'installer supérieurs aux autres. Et puis, dans cet état de supériorité-là, ils développent une autorité qui rend les autres esclaves de leur lecture, de leur comportement, de bien des choses. Donc, j'ai déjà connu des gens qui étaient avec Moïse, là, celui qui... Oui, oui, Moïse Thériault, là. Oui, c'est ça. Ben, j'ai déjà eu une couple de ceux qui étaient pris avec lui, là, Daniel Ouellet, entre autres, là, dont une de ses amies avait écrit un livre là-dessus. Il m'avait expliqué comment il était devenu sapé mentalement par ce gars-là. Mais lui, c'était un maître, ce gars-là. C'était un maître noir, là, dans le sens de la magie noire. Mais c'était un maître pareil. Là. Et puis, il a tout compté ça. Puis, il avait justement besoin de Bernard pour se libérer de ce magnétisme-là, parce que ça opérait même si le gars était en prison. Pas des faces. Hein. Tu vois à quel point un être humain peut être conditionné par le magnétisme d'une personne. Ça peut être dangereux. Fait que pour moi, il y a le monde des maîtres, puis il y a le monde des initiés. Tu sais. Un maître, pour moi, c'est toujours un individu qui va opérer à partir de l'ego. Il va arriver avec un système intellectuel, puis il va essayer d'imposer ça, au niveau de l'intellect une ligne de conduite. Donc, je ne te nommerai pas de nom, mais il y a du monde qu'on a connu là, qui était des maîtres. Et puis, ben, c'est sûr que c'est intéressant de faire la distinction entre les maîtres puis les initiés. Et justement, par rapport à ça, est-ce que tu crois qu'on va finir le temps des maîtres puis des gourous puis des religions pour passer à une ère qui est plus initiatique, là? Écoute, honnêtement, là, je crois pas que ça va être le maître qui va débarquer. Je pense plutôt que c'est l'adepte qui va débarquer. Quand quelqu'un se libère d'un maître, il arrête le maître d'opérer. Parce que la différence entre un initié, c'est capable de vivre tout seul. Un maître, ça a besoin de sa cour, ça a besoin de son environnement. Il ne fonctionne pas. Il n'y a plus d'identité s'il n'est pas un maître. Tandis qu'un initié, il est avec sa source, puis il n'a assez. Là, moi, je m'en vais lentement vers une retraite, puis j'ai mon petit groupe avec moi, puis j'ai bien du fun avec eux autres. Là. De ce temps-là, on organise des compétitions de carabine, de tir, puis on a du fun. T'sais. Mais je ne m'attends pas à m'étendre. Je n'ai pas la nature, justement, du maître. J'ai une nature plutôt axée vers l'isolement. Moi, j'ai fait mon travail. J'ai rencontré... J'ai arrêté de compter à 30 000 consultations. Ça donnait une mesure. Puis ça fait déjà un bon 10 ans que j'ai arrêté de compter. Fait que si j'ai rencontré beaucoup de gens dans ma vie, ça m'amuse, toi, de parler avec toi, parce que, je sais pas, c'est une vibration. Les forces m'ont dit, avec lui, c'est correct. C'est beau. OK, j'ai embarqué. Autrement dit, l'entrevue qu'on fait, quelque part, on n'est pas libre pour reprendre la thématique de la liberté tantôt, si quelque part on est dirigé par des forces. Je refuse tout le temps quand quelqu'un me demande. Comment? Je refuse tout le temps de faire des choses à caractère public. Okay. Si quelqu'un me dirait, veux-tu venir en France faire des conférences, je dirais non. Ça ne m'intéresse pas. Je l'ai fait, c'est moi qui ai ouvert la France. Mais ça ne m'intéresse plus, je l'ai fait, la job. Mais toi, tu me l'as demandé, puis les forces m'ont dit, OK, ce qu'il y a avec lui, là. Mm-hmm. Moi qui décide. Mais à ce moment-là, quand on en regarde ça, je me dis, est-ce qu'il est libre de faire l'entrevue avec moi? Non? Ça veut dire non? Non, ben je suis pas libre. Je suis pas libre dans le sens qu'on me dit de le faire. OK. Mais dans mon historique, là, depuis 2-3 ans, j'accepte presque rien. T'sais, si quelqu'un me demandait, ah, ben, t'as fait une émission avec Néo, j'aimerais ça d'en faire une avec toi, je dirais non. Non, c'est. Les forces t'ont choisi, puis il n'y en aura pas d'autres. OK. Fait que, ben. Là, ça dans l'ego, là. Non, non, je sais, il faut que je reste neutre. Ouais, c'est ça. Je te nomme pas chevalier. Je fais juste te dire comment ça marche, là. Oui, non, non, c'est bien correct. Puis, en fait, je serais curieux de savoir, peut-être dans un autre registre, par rapport à la situation planétaire actuelle, quelle lecture qu'on peut faire des événements qui se déroulent, parce que beaucoup de choses qu'on brassé, là, entre autres, dans les derniers mois. Il y a eu, entre autres, l'incident avec le nucléaire à Fukushima. Il y a eu aussi le phénomène où ce que les États-Unis ont passé proche de la banqueroute avec le défaut de paiement il y a à peine quelques semaines. Ensuite, il y a eu plein de catastrophes aussi climatiques. J'ai l'impression que ça brasse beaucoup, puis je serais curieux d'avoir ton point de vue sur la situation présente. Écoute, partant du principe que Pluton est rentré en Capricorne à la fin 2008, novembre 2008, j'étais avec Richard Glenn quand j'ai fait presque mes prévisions pour les prochains 17 ans. Là. J'avais dit à Richard, j'ai dit, Pluton en rentrant en Capricorne, on peut s'attendre à des gros, gros bouleversements en 2009. Puis j'ai dit, moi, depuis que j'ai 19 ans, j'ai prédit l'apocalypse en 2010. Et puis là, j'ai dit, je viens de prendre conscience que quand on est rendu à fêter l'année 2009, on rentre dans l'année 2010. Donc 2009, c'est l'année 2010 qui est en cours. Et quand on va dire on est rendu en 2010, bien, l'année 2010 va être complétée. Il n'y a pas dans un qui n'a pas été vécu toute l'année. En d'autres termes, quand c'est l'an 0, puis de 0 à 1, quand tu dis je suis rendu à l'an 1, bien, ton année 1 elle vient d'être faite. Donc en 2009, on était ni plus ni moins dans l'action. Comme là, en 2011, on est dans l'action de l'année 2012. Avec le calendrier Maya, c'est pour décembre cette année, en 2011, parce que c'est la 2012e année présentement. Donc on peut dire que l'année 2012 va marquer, 2012 en considérant que c'est l'année 2011, on peut dire que l'année 2011, on va revenir au langage qu'on connaît, là, c'est l'année où ça va marquer une ligne dans le sable de tout ce qui doit être bouleversé dans le futur. C'est la fin des dictatures. On est dans l'ère du Verseau. Verseau égale anti-Lion, Lion étant monarchie. Et anti-Lion veut dire aussi automatiquement la fin des gestions d'État sous l'insigne. Tu sais, dans le temps, on regardait un médecin et on le voyait quasiment comme un demi-dieu. Aujourd'hui, un médecin, c'est un médecin, point final. Là, il fait sa job, puis au même titre qu'on va demander à un plombier de faire le travail chez nous. Là. Bon, ben, on va regarder les administrateurs ou les politiciens comme des gens qui sont des gestionnaires, point final, comme des gestionnaires d'entreprise. Mais on ne les mettra pas sur des piédestals. On va le demander, vous êtes payé pour faire votre job. Et vous ne pouvez plus faire ce que vous voulez. Les médias sociaux vont devenir politisés avec le temps. Ça va être extrêmement... Puis là, il faut s'entendre, quand je dis médias sociaux, oubliez jamais une chose, que ce qui change la vie, c'est la vibration. Fait que médias sociaux égale gens qui, quand ils écrivent sur Twitter, Facebook, puisque tu peux imaginer, ils vibrent ces gens-là. Là. Ils font pas juste écrire un texte. Là. Ils vibrent quelque chose. Fait que là, tu as des millions et des milliards de gens qui vont vibrer sur des médias sociaux. Ça va être au-delà de l'écriture. Ça va être au-delà de « Ouais, nous autres, qu'est-ce qu'on fait avec l'opinion publique? » Ça va être une opinion publique qui va être tellement vibrante qu'elle, elle va changer quelque chose. Elle va changer celui qui décide ou qui pense décider. Oublie pas, c'est pas nous autres qui pensent, mais c'est pas nous autres qui pensent, c'est toute la planète qui pense pas. Là. Même le politicien est manipulé psychiquement par des vibrations. Et conséquemment, si des masses de gens sont capables de vibrer une direction, les politiciens vont être obligés de suivre ce mouvement-là, ils n'ont pas le choix. Un gars comme Obama, il va checker ses codes d'écoute, il va checker ses statistiques, ses sondages, appelle ça comme tu veux. Il va être obligé de s'ajuster à ça. Puis il va avoir des forces qui vont créer des contradictions ou des contractions, parce que moi, ça revient tout le temps à la contraction puis l'expansion, pour permettre à quelque chose de débloquer. Tu sais. Fait qu'on est, j'avais fait un CD qui s'appelait 17 ans de mutation. Je peux te l'envoyer, si tu veux, par YouSendIt. Et puis... C'est un CD que j'avais fait justement en 2009 pour annoncer tous les effets de Pluton jusqu'à 2026. Et jusqu'à 2026, on va voir s'effondrer tout ce qui a un caractère capricornien, ça veut dire les structures. Regarde tout ce qui est vieux qui est en train de s'écrouler au Québec en termes de routes. C'est symbolique, ça. Les routes, c'est la communication. Fait que, s'il y a un besoin de remaniement des structures sous toutes ses formes, autant physiques que virtuelles, sur une base de 17 ans, ça, le ménage est en train de se faire. Et justement, en parlant des médias sociaux, tantôt, ça m'a fait penser au phénomène du printemps arabe qu'on a vécu il y a quelques mois, c'est-à-dire des pays arabes où ce que les gens se sont révoltés grâce aux médias sociaux, dont Facebook, Twitter, notamment si on pense au pays de l'Égypte, où ce que les gens se sont soulevés pour se débarrasser des dictateurs là, dans les pays arabes. Donc, je pense que ça peut être un exemple de phénomène. Ça marche. Oui. Les jeunes qui font ça. Les gars de ton âge. Ben oui. Grâce à ça. Hein? Il n'y a pas d'hasard. Non. C'est ça l'aide du verso. Qu'est-ce que tu penses qui va mettre à terre la disparité économique à travers le monde? Ça va être les médias de communication. C'est plus que ça. C'est... la capacité d'empêcher, je ne sais pas comment ça va se faire, mais ça va être la capacité d'empêcher les gens qui s'enrichissent sur le dos des pauvres. Il y a quelque chose qui va se passer à un moment donné là-dedans. Et puis ça s'appelle la consommation. Il s'agit que des gens disent « Non, moi, j'ai plus besoin d'une grosse TV, j'ai plus besoin de ci, j'ai plus besoin de ça. » Puis ceux qui s'enrichissent sur le dos des pauvres, ils vont crier « Famine ». Ils vont être obligés de se mettre au pas. Donc, la simplicité volontaire? Ça peut ressembler à ça. Moi, je ne suis pas un candidat à ça, vraiment. Je suis obligé de la vivre, mais je ne suis pas un candidat à ça. Mais le jour où les gens vont être satisfaits d'être ensemble juste à parler, ben non, on lui demandait souvent, ça va être quoi l'apocalypse de mort? Il dit, quand vous allez être rendu à aimer parler entre vous autres, vous n'avez pas besoin de dépenser beaucoup pour ça. Puis il dit ça va rétablir votre équilibre financier. Il dit, c'est quand tu commences à vouloir t'acheter des choses, des objets, pour compenser ton manque d'intelligence, ton manque d'identité, il dit, c'est ça qui te met dans le trou. Mais il dit, quand tu n'as plus besoin d'un auto de l'année ou d'un auto à tous les 4 ans, ou c'est, moi je me promène avec un auto de 1000$, en tout cas c'est ce que le vendeur ou l'acheteur peut me donner, là. Puis que je suis bien avec, il y a 285 000 kilos, puis il roule comme une toupie, je me dis, si je suis capable de vivre là-dedans, puis que je suis capable de me dire que je n'ai pas besoin d'autre chose, ben je sauve des milliers de dollars par année, parce qu'un auto, c'est 10 à 15 000 piastres par année à utiliser ça. Fait Fait que si, tu sais, mets des millions de personnes, là, tu vas dire, oui, mais le système va s'effondrer. Oui, un système qu'on connaît va s'effondrer. Mais un nouveau va apparaître parce que la richesse, elle va juste se répartir différemment. Là. Exactement. C'est intéressant ce que tu dis parce que, vois-tu, c'est ce que je vis actuellement. Je suis très dépouillé, puis moi, mon plaisir, c'est de faire des émissions de radio, faire des enregistrements, puis d'échanger avec des gens sur Internet. Puis, tu sais, je ne vais plus voir de films, je fais pas beaucoup de voyages, je fais pas grand-chose finalement. Mais mon plaisir, c'est dans la communication, la vibration que ça dégage, de sentir ça. C'est ça. Fait que tu te développes, puis ça te coûte pas une fortune. Exact. C'est ça. Tandis qu'il faut bien du monde se développer, c'est avoir quelque chose de plus cher que son voisin. Oui, parce que c'est au niveau de l'ego. Mais je pense que ça, c'est un point intéressant qu'on partage aux gens, donc être la capacité de se contenter de peu, puis justement d'avoir une satisfaction personnelle à travers tout ça. Oh my God, tu dis se contenter de peu. Alors que pour moi, je me trouve plus intelligent de vivre comme ça que de vivre dans de l'excès. Tu sais, je suis capable de vivre bien, d'être heureux, puis d'être efficace, d'être utile aux autres. Ou d'être utile aux autres, c'est aussi être apprécié des autres, sans être obligé de chercher une appréciation en les dominant par une forme quelconque. Mm-hmm. Ben, tu me dis que là-dedans, il y a plus de plaisir que dans le plaisir de toujours comparer. Puis là, il y a un effet d'enchère là-dedans. Là, un va dire, ah ben lui, mon sacrifice, moi le planter, je vais m'acheter ça, je vais faire ça. Fait que là, tu tombes dans le trip de la consommation, puis ça n'a plus de fin. Là. Oui, c'est ça, le phénomène du voisin gonflable ou de savoir c'est qui va avoir la plus grosse piscine entre les deux puis le plus gros char. Puis, c'est ça. C'est ça que moi aussi, j'ai mis ça de côté. Puis, tu sais, j'étais avec des amis. Puis, tu sais, si ça fait pas leur affaire la manière que je suis, ben tant pis pour eux autres. Je vais trouver d'autres personnes. Puis, tu sais, je passe à autre chose. C'est ça, exactement. Mais c'est pas de juger ceux qui ont des avantages. Ceux qui ont un avantage financier, ils l'ont. Mais c'est la capacité de te le partager et de ne pas te juger dans ce que toi, tu as comme différence. Les autres, ils te demandent d'être reconnus, de les reconnaître. Il faut qu'ils soient capables aussi de te reconnaître. Parce que s'ils jouent d'ascendance là-dedans, moi, comme j'ai dit souvent, je dis, moi, t'en mets entre les dents. Là. Donc, ouais, ben c'est ça. Il faut pas se laisser dominer par aucune force là, extérieure à soi. Là, ouais. C'est ça, exactement. Mais ça, comme on dit, le spectacle est dans le spectateur, là. Ça demande une lecture de la vie qui est dégagée de la forme. Et c'est ça, être conscient. Être conscient, c'est cette dimension-là. Et je me demandais, pour acquérir cette conscience-là, tantôt on parlait de procéder à partir d'agir sur la vibration. Est-ce que, dans le fond, au fil du temps, au fil des consultations que tu as faites auprès des gens, est-ce que tu as constaté qu'il y avait des gens qui étaient plus prédestinés pour ça ou c'est accessible à tout le monde? Ouais, ça, c'est la question du siècle. Moi, j'ai un gros défaut d'âme. Je suis pressé. Je suis pas un gars patient de nature. À 60 ans, je le suis un peu plus parce que je marche plus lentement. Mais j'ai passé ma vie dans un monde de compétition. Même Bernard se servait de moi pour confronter des gens de son milieu proche, les confronter pour qu'ils se prennent pas trop au sérieux ou qu'ils se prennent pas trop pour des super-héros. Là. Et puis, je servais un petit peu de punching ball parce que j'étais comme très rapide à saisir le comportement des gens. J'ai une réputation de gars tough, là, de gars difficile, puis je l'aime bien, cette réputation-là. Et puis, je me rends compte que les gens qui ont une disposition pour de la conscience, c'est des battants. Là. C'est des gens qui ont un goût du combat, qui sont capables de vivre avec les énergies négatives. Les gens qui sont très spirituels, c'est des gens qui veulent, ils sont toujours dans le bien, ils sont toujours en train de se nettoyer le corps, ils sont toujours en train de se nettoyer le colon, puis c'est des tripeux de vérité, puis des tripeux de corps propre, là, tu sais. Et puis, c'est pas vraiment comme ça que la vie, ça se passe. Ça se passe dans de la guerre, tu sais. Fait que j'étais un gars qui aime voir des gens se battre contre les obstacles de la vie, contre des états d'impuissance. Puis que quand ils sont dans un conflit, ils sont capables de l'affronter. Vibrer, le plus grand défi des forces, c'est d'agir vite sur ce que tu vibres. En général, un peu heureux, il va essayer de le faire vivre par d'autres. Puis c'est un peu comme un gars qui achète ses vies à crédit, tu sais, c'est payer plus tard, puis pas le payer jamais ou pas le payer tout de suite. Tu sais, ça développe des mentalités de voleur. Ils payent pas pour ce qu'ils apprennent. Ils veulent tout le temps l'avoir gratis. Faut toujours qu'ils regardent le show à travers une télévision. Ils sont pas capables de payer pour un show à 60$ directement avec l'artiste. Fait que les gens qui sont plus conscients, c'est des gens qui sont capables de se mettre sur le terrain, qui sont capables de le vivre sur le terrain. Tu sais. Je faisais une compétition fin de semaine, puis la personne elle s'est classée sixième, puis elle aurait voulu être dans les trois premiers. J'ai dit, faut que tu pratiques, ma grande. J'ai dit, tu peux pas rentrer une compétition, puis tu as eu ta carabine le mois passé. Là, tu sais. Ça demande de la pratique. Mais non, on voudrait gagner tout de suite. Mais ça, c'est des gens qui ont des problèmes avec la conscience. C'est généralement des gens spirituels. Si tu me dis qu'il y a des gens prédestinés, oui, il y a des gens qui naissent dans des familles où les parents sont plus... ils ont l'esprit de lutte plus que d'autres. Oui, dans ce sens-là, oui. Et puis, tu amènes un élément intéressant, c'est-à-dire que souvent, les gens aimeraient juste à vivre du positif sans souffrir pour atteindre leur objectif. Mais de ce que je comprends, puis de ce que tu nommes, ben c'est qu'il faut, il y a des forces qu'il faudra affronter, il y a des obstacles à neutraliser. Donc, ça demande du caractère, là, finalement, à s'éveiller. Écoute, je vais te dire bien clairement, les gens qui disent qu'ils sont conscients, c'est des gens qui n'ont bavé. Moi, j'en ai bavé dans la vie. Bernard, il y en a bavé dans la vie. Bavé, là, dans le sens que c'était pas facile. Ça demandait de faire face à des peurs. Fait que si quelqu'un se dit conscient, puis il y a un style homme rose ou il y a un style moumoune ou mémère, ça peut être un bon philosophe, un individu intellectuellement articulé, mais embarque-toi pas dans mon autobus, mon pit, parce que tu vas trouver que ça arrête pas à peu près. Là. Non, c'est plus dur que ça, la conscience. La conscience, c'est pas juste de l'intelligence, c'est beaucoup, beaucoup de lutte. Pense tout le temps à la tasse et au café que tu mets dedans. Le café, il est fluide, mais si tu ne le mets pas de tasse, il va s'étendre, il va être plate, il va couler au plancher. Il n'y aura pas de corps. Il n'y aura jamais de corps. C'est du café. L'intelligence, elle n'a pas de corps. Il faut, pour que l'intelligence puisse se manifester, qu'elle ait de l'autorité. Puis de l'autorité, c'est basé sur une lutte qui te donne de la reconnaissance. C'est les autres qui te donnent de la valeur. C'est pas toi qui as de la valeur. Moi, j'ai pas de valeur autre que ce que les gens me donnent comme valeur. Mais si j'ai pas d'autorité, je peux pas avoir de valeur parce que je crée pas d'impact. Il faut qu'il y ait de l'impact. Il faut qu'il y ait de la certitude dans ce que je te dis pour qu'il y ait reconnaissance de ce que je dis. C'est sûr que je vais alimenter des gens qui veulent ma peau parce qu'ils vont vouloir avoir raison sur ce que je dis. Il y a des gens que peu importe si c'est réel ou si c'est vrai ou si c'est, ils sont naturellement opposés parce que ça les dérange, ils ne veulent pas se faire déranger. Mais ces gens-là, pour quand même qu'ils te respectent, il faut que tu te manifestes avec force et avec autorité. Donc, il faut que tu aies une affirmation qui est appuyée sur du vécu. Moi, il n'y a personne qui peut me tasser parce que ce que je parle, je l'ai vécu. Il y a plein de gens qui parlent et c'est pas vécu. Quand tu parles des extraterrestres et tu n'en as jamais rencontré, c'est un épais, là. OK? On s'entend? Parce que tu n'as pas vécu. Tu imagines, mais ça, imaginez, il y a plein de monde qui peuvent imaginer. Il y a des beaux parleurs qui ont le ton, qui ont génétiquement des cordes vocales qui lui permettent d'avoir une voix d'outre-tombe, là, tu sais, à la langue guérante, ces choses-là, qui vont annoncer des bébelles. Mais ça, pour moi, c'est des philosophes, c'est des ésotéristes, c'est des gens qui sont dans une sorte de recherche d'évasion des structures ou du monde réel pour aller dans un monde virtuel. Pas de problème avec ça. Mais dis-moi pas que ça a du pouvoir, ça, là. Ça n'a pas de puissance, ça n'a pas d'impact, ça n'a pas de contenance. Oui, bien, surtout que si on donne l'autorité à des extraterrestres puis on les a pas vus, ben on risque d'être manipulés par eux autres ou que, tu sais, à quelque part, ça se tienne pas debout, là, parce qu'on n'a aucune... c'est ça, il n'y a aucun contact direct qui se fait, tu sais. Tu sais, Bernard disait pas croire. Pas croire, c'est pas nier non plus. Moi, je nie pas que ça peut exister, mais je peux pas en parler si je l'ai pas vécu. Tu sais, moi, des gens qui me racontent des choses, je t'en demande des armes depuis un an, là. Écoute, je faisais de la moto avant. Puis je voulais tellement vite qu'il fallait que je vende la moto. Ben, je me tapais un ticket de 2-3 000 piastres, puis j'avais pas les moyens de le payer. Puis Fait que finalement, j'ai vendu ma moto, puis je me suis en allé dans le domaine des armes. Moi, j'étais à l'école, là. Quand je vais voir un gars, là, puis qui me parle de balistique ou qui me parle d'optique, puis d'une balle qui se tasse de 6 pouces à cause du vent, puis que ça baisse de 92 pouces, une balle à 600 verges, j'écoute, je suis à l'école, je connais rien. Il a vécu, lui. Lui, il a vécu. Lui qui me parle, il l'a vécu. Puis il m'invite à aller le vivre. Il dit, écoute, si tu fais ça, ça, ça, ça, ça va donner ça. Puis j'écoute, je suis à l'école. Mais j'écoute les gens qui ont du vécu. Parce que les gens qui ont des théories sur quelque chose, je suis obligé de les vérifier. Je les sens pas sûrs, je les sens. Ils sont pas à côté. C'est pas à côté ce qu'ils disent. Fait que moi, dans mes conférences, j'ai toujours appliqué sur je l'ai vécu, je le parle. Je l'ai pas vécu, j'y touche pas. D'ailleurs, j'avais la réputation comme intervieweur avec Bernard de toujours le ramener deux pieds sur la terre. De toujours le ramener à qu'est-ce qu'on peut faire la semaine prochaine avec ce que tu parles. Sinon, il partait, lui, l'île du paradis, puis ci, puis ça. Écoute, bonhomme, moi, quand j'arrive, je pense même pas à ça. Oui, ben c'est, je pense que c'est un souci qui est important à voir. Je te dirais, depuis les dernières semaines, j'entre beaucoup plus dans le concret. Avant, je m'intéressais aux extraterrestres, les ésotéristes. Et puis, avec le temps, il y a un phénomène où ce que dans ma vie, je me sens moins appelé à ça, puis plus aller justement comment. Les questions qui m'intéressent, c'est comment vivre la conscience dans son quotidien. Donc, c'est ce type de choses-là. Bon gars, c'est moi, ça. Bon, je suis la bonne personne. C'est peut-être pour ça aussi que j'ai pas eu la vibration de faire l'entrevue avec toi ou de contacter avant, parce que ça fait quand même depuis 2007 là, que je fais des émissions de radio sur Internet, mais je me sentais pas, je savais que tu existais, je l'avais été te voir en conférence en 2008, mais je le sentais pas encore, je me sentais pas encore, fait que là, je pense que le timing est bon. Oui, c'est possible. Ben, écoute, moi, je suis le gars qui arrive à la fin, je suis pas le gars qui commence au début. Les gens, en général, ce qu'ils ont besoin, c'est de dilater. Puis, quand tu t'en vas dans des sujets qui touchent l'imaginaire, bien, c'est comme si tu prenais une bonne puff du bon, là, et puis t'en pompes au moins deux, trois cigarettes, là, puis là, tu pars. Là, tu sais. Parler dans le virtuel, l'imaginaire, ça, c'est ça que ça fait, ça dope. Tandis que moi, je l'amène sur la terre, je suis le portage, là, celui qui dégrise. Donc, c'est sûr que c'est pas évident à rencontrer, parce que c'est un cold turkey garanti. Oui, ben c'est sûr que ça amène une autre dimension. Puis, tu sais, à un moment donné aussi, c'est que quand on est dans le flyer ou le culte ou vraiment dans les hautes sphères comme l'île paradisiaque auquel tu faisais allusion, la cosmologie d'Uranus, tout ça, c'est qu'à un moment donné, on est confronté au fait que à quoi ça sert dans notre quotidien. Tu sais, ça ne nous permet pas de payer nos impôts. Il y a un moment donné, je pense que la réalité pratique nous ramène là, quand on s'intéresse trop à ces choses-là. C'est en plein ça. Pourtant, les deux mondes peuvent se concilier. Mais moi, j'ai toujours dit, la première chose qu'il faut défendre, dans notre, surtout les gens qui s'intéressent à l'occulte, la première chose à défendre, c'est la cohérence. Si je parle à quelqu'un puis que je commence à y faire perdre cohérence, j'arrête de parler. Puis je reviens dans un langage qui est capable de contenir, qui est capable de vérifier dans son expérience de vie. Parce que être conscient, là, pour moi, ce n'est pas un objectif de vie. Là. C'est quelque chose que tu as à vivre si les forces te laissent vivre. Mais les forces m'ont bien fait comprendre que c'était très, très, très long. Et puis quand ils disent aux autres très long, ça inclut plusieurs vies. Là. Fait qu'ils ont dit, parce que moi, comme je t'ai dit, je souffre de vitesse. Là. C'est vraiment une maladie pour moi d'aller vite. Et puis, ils m'ont fait bien comprendre que je ne peux pas forcer le rythme de personne. Les gens, ils ont le timing pour n'importe quoi. Puis la clé là-dedans, c'est la cohérence. Il faut qu'une personne qui vit une forme quelconque d'écoute de cassette, de CD, de tout ce que tu peux imaginer, ou qui entend parler un parleur là, là-dedans, il faut que ça colle à sa cohérence de vie. Tout le monde n'a pas le même genre de vie. Il y a des femmes qui vivent seules, il y a des femmes qui vivent en couple, puis il y en a d'autres qui se font prendre en charge, il y en a d'autres femmes qui ne se font pas prendre en charge. Puis, tu sais, c'est des combats différents. Fait que quand tu parles de la femme, tu parles à des millions de femmes qui peuvent être très différentes. Il ne faut pas penser que toutes les femmes, c'est toutes sur le même topo. Il y a des principes de base, mais il reste quand même qu'il y a des variantes. Puis, sont énormes, les variantes. Puis, moi, je suis un gars de terrain, donc je suis un gars qui est dans le one-on-one. J'ai rencontré des femmes de tous les acabits possibles dans la société. Tu sais, des femmes d'affaires, des femmes de politique, des femmes qui étaient prostituées, clapotantes, puis j'étais capable de composer avec toutes les mentalités. Là. Fait que, tu sais, il y a une raison à ça, c'est que je ne regarde pas la personne comme un tout et une vérité sociale. Je la regarde en termes de qu'est-ce qu'elle vit, c'est quoi sa souffrance, puis c'est où qu'elle perd cohérence dans la vie. Puis mon travail, moi, c'est de ramener les gens à, justement, avoir de la cohérence. Tu sais, quand tu rencontres quelqu'un qui a été sur le crack pendant 3 ans, puis qui vient te voir, puis qui te demande si c'est un haut secours, comment je peux m'en sortir, ben, tu sais, tu vas lui dire, écoute, il faudrait que tu ailles te désintoxiquer, il faudrait ci, il faudrait ça, puis c'est toujours de la ramener à de la cohérence, tout le temps, tout le temps. Il y a des cas moins lourds, mais c'est toujours le phénomène de la cohérence. Si tu es dans la simplicité volontaire, puis tu as le goût de t'acheter un Cadillac, why not? Tu as le goût de t'acheter un Mercedes, why not? Il y a des Mercedes à 5 000 $, là. Tu n'es pas obligé de l'acheter neuf, tu peux l'acheter usagé, mais tu vas avoir quand même le punch du prestige du véhicule à pas cher. T'sais, j'en ai acheté un Mercedes, j'avais payé 3 000, puis je l'ai fait tirer à un moment donné, j'ai fait un tirage, puis le gars qui l'a gagné, il a mis 5 000 dedans, puis l'auto était flambant neuf après, tu sais. Tout à fait. Tantôt, on parlait de contention et d'expansion. Comment? Contraction. OK, excuse-moi, j'interprète. Et je serais curieux d'en savoir un petit peu plus avec des exemples concrets. Comment on peut vivre ça dans notre existence? Là, ouais? Bon, avant tout mouvement important d'expansion dans une vie, et je peux prendre les Jeux olympiques, avant qu'une personne gagne une médaille d'or ou gagne un concours ou gagne tout court, il y a une zone de cohérence qu'il faut qu'il s'installe par une forme de pratique, par une forme d'événement qu'on pourrait qualifier de difficile. Tu ne deviens pas champion du jour au lendemain, tu deviens champion à forger ton personnage pour obtenir des réflexes, pour une sorte d'instinct naturel à développer ta compétence. Puis ça, c'est la période où tu dois développer de la consistance, de la cohérence et de la densité. On pourrait dire dans un sens virtuel de l'autorité. Et puis, une fois que tu as acquis cette autorité-là, ben là, les forces peuvent mettre en présence l'énergie d'expansion qui va être contenue par cette contenance-là, contenue par cette cohérence, par cette autorité-là. Dans le domaine de la communication, c'est comme l'équivalent de dire, tu ne peux pas parler ce que tu n'as pas vécu. Donc, si une personne se lance dans un produit théorique, ben, il va enclencher automatiquement un groupe d'événements qui vont aller le tester dans ce qu'il affirme. Pour voir si c'est cohérent? Ben c'est ça, c'est que la cohérence, c'est un vécu. Il faut que tu aies un vécu pour être cohérent. Tu sais, je pourrais te dire, n'importe quoi que tu fais apprendre, que ce soit le tennis, un sport, un travail, n'importe quoi, ça demande un vécu. La théorie, c'est pas suffisant. Parce que c'est virtuel. Donc, le virtuel est toujours testé par un vécu, tout le temps. Alors, il me disait dans le temps, je disais, hey, on pourrait faire une école ou une espèce d'université de la personne. Puis il disait, oui, mais tu peux pas prendre les gens avant 35, 40 ans parce qu'il faut qu'il y ait un vécu. S'ils n'ont pas de vécu, ils ne comprendront pas parce qu'ils vont absorber ça, c'est une base théorique. Puis la vibration, c'est pas théorique. La vibration, c'est une sorte de poussée de l'énergie des forces qui demandent d'être organisé dans la matière, mais il faut que tu aies une expérience de l'organisation. L'ego, sa fonction, c'est d'organiser la vibration, c'est pas de dicter le processus décisionnel. T'sais, la décision ne revient pas à l'ego, elle revient à la vibration. C'est la vibration qui indique le chemin, c'est pas l'inverse. C'est pas l'organisation qui indique le chemin, c'est la vibration qui indique le chemin. Mais l'organisation, pour qu'elle ait des assises solides, ça demande, on pourrait appeler ça de l'expérience. Il faut que tu aies une expérience sur le terrain de la vibration. La vibration, c'est virtuel, c'est sûr, mais éventuellement, il faut qu'elle soit exposée à des tests, ce que les gens appellent le mal. Tu es exposé au mal avant de vivre une forme quelconque d'intelligence, automatiquement. Donc, ce que les gens appellent le bien, bien souvent, c'est l'expression de l'intelligence. Mais l'intelligence, il faut qu'elle ait connu le combat ou la contenance exigeant de réussir à passer un test, donc à vivre un peu le mal. J'ai fait 2 CD là-dessus. L'un, ça s'appelle l'intelligence du mal, puis l'autre, un peu plus loin, est plus scientifique, il y a une approche plus mentale, on va dire, qui est moins spirituelle, parce que le bien et le mal, c'est quand même une perception morale. Et puis dans l'autre, c'est contraction versus expansion. Je ne me souviens pas des numéros, vous irez voir sur le site Internet, c'est marqué là. Mais ça, c'est vraiment une compréhension de qu'est-ce qui permet à un individu d'accéder à un champ de conscience quelconque. Ça répond à ta question? Oui, ben en fait, pour bien m'assurer que je saisis bien, c'est que, dans le fond, entre guillemets, le mal, c'est les expériences qui peuvent être souffrantes pour l'ego qui créent des réajustements là, en vue d'intégrer plus d'intelligence, de créativité, de lumière. C'est ça. Okay. En gros, c'est ça. Si tu n'as pas vécu une expérience, tu ne peux pas t'atteindre, tu peux pas atteindre un niveau de précision. L'intelligence, la première chose qu'une personne cherche dans de l'intelligence, c'est de la précision. Un individu qui, moi j'ai donné des cours de bourse, une personne qui a 10 000 $ ou même pas, 500 $, puis qui prend toujours des décisions précises, elle va finir l'année avec un 100-150 000 dans son compte, en étant parti avec 300-400 $. Parce que si elle ne fait jamais de perte, elle va inévitablement faire que des gains. Puis quand tu fais que des gains, mais là, tu doubles à chaque fois. Tu sais. Avec les monnaies, on faisait 10 % par semaine. Fait qu'imagine le party à la fin de l'année, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Mais l'individu n'étant pas précis, n'ayant pas l'expérience du gain et de la perte, bien, automatiquement, il ne fait pas ces montants-là. Virtuellement, sur papier, oui, ça peut se faire. Tu peux prendre, je l'avais calculé avec 300 $. Puis si on avait une fiche parfaite à la fin de l'année, on avait autour de 60 000 $. Imagine ton capital de base, 300. Là. Mais ça exigeait des décisions parfaites. Chose que les gens ne sont pas capables de faire parce que, justement, il faut une expérience. Et pour prendre ce type-là de décision parfaite, ça prend une expérience, ce qui veut dire que, dans le fond, la personne, elle a déjà un vécu ou est-ce qu'elle est habituée de contenir ce type de décisions de nature similaire? Là. Oui, ça. C'est très, très mécanique, le bourse. Là. Il faut faire autant d'argent à la baisse qu'à la hausse. Fait que si tu sais tout le temps suivre, il y a ça en anglais, le trend, ben, tu ne te trompes jamais. Tu es toujours en mode gain tout le temps, tout le temps. Tu ne gagnes pas à la bourse strictement quand ça monte. Tu peux gagner beaucoup quand ça baisse, mais il y a très peu de gens qui savent comment ça marche. Que ces gens-là, ils n'ont pas d'expérience, donc ils perdent. Quand les gens disent « on a perdu tant d'argent », ça veut aussi dire, parce que l'argent ne se paye pas à la bourse, ça se transfère. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont récupéré un montant. Il y a toutes sortes de choses que les gens ne savent pas, qui fait qu'ils n'ont pas d'expérience, donc qui fait qu'ils ne sont pas conscients de la mécanique de certaines choses. C'est la même chose au tennis. Tu tiens ta raquette d'une certaine façon, tu as plus de chances de taper la balle à 40 000 à l'heure plus vite, tu sais. C'est tous des éléments qui font que tu es obligé de passer par le véhicule pour aller chercher des subtilités. Les gens qui me côtoient ont plus de possibilités de saisir une vibration que ceux qui m'écoutent sur une CD. Parce que sur un CD, c'est difficile de passer une vibration, sans compter que je fais beaucoup de coupures dans mes CD parce qu'il y a des choses justement que parce que tu n'es pas là, je ne peux pas t'ajuster sur le terrain, sur le moment même de la situation. Fait que je coupe parce que je me dis dans le grand public qu'on ne comprendra pas ce que je dis là. Fait que c'est ça. Fait que tout ce qui est virtuel, ça reste dans un champ très, très fluide et très changeant. Tu sais. Et peut-être ça pourrait être intéressant de regarder ça par rapport à la question de la conscience expérimentale, la conscience planétaire de l'ego là, qu'on a entendu, entre autres, Bernard parler, et versus l'expérience auquel tu fais allusion. Est-ce qu'on peut dire que c'est la même chose ou c'est différent? Non, c'est pareil. C'est peut-être dit différemment, mais je veux dire, oui, c'est la conscience, ça passe par l'expérience. Je pense pas qu'un jeune de 16 ans, 17 ans... Moi, j'ai fait parler mon gars sur le contact, il avait quoi, 5 ans, puis il m'avait dit sur le contact, mon corps n'est pas capable de prendre plus que 10 minutes. C'est sur le contact à 5 ans que tu dis des affaires de même, c'est pas... Il m'avait dit ça, il dit, mon corps n'est pas capable de prendre la vibration plus que 10 minutes, à l'âge de 5 ans. Mm-hmm. Puis il m'avait dit, il dit, je vais pouvoir te reparler comme ça, il dit, quand je vais avoir 12 ans. Il m'a dit ça à 5 ans. J'ai respecté ça. À 12 ans, quand il y a eu 12 ans, mais là, j'ai recommencé l'expérience. Puis vers 16 ans, je l'ai emmené sur mes consultants, mes formations, pour parler au public. Et puis... il voyait que bon, ses corps étaient plus denses, il était capable de le prendre plus longtemps. Mais au bout de trois quarts d'heure, une heure, il fatiguait. Là, son corps n'était pas capable de prendre la même pression. Mais tu sais, c'est normal, 16 ans, moi, là, j'étais plus éthéré que je l'étais aujourd'hui à 60 ans. On densifie avec les années, justement, à cause de l'expérience. Fait que oui, c'est une conscience expérimentale, une conscience planétaire, ça reste une conscience pour prendre conscience de la planète, prendre conscience de l'information, ces choses-là. Fait que plus vous vous affrontez de combats dans la vie, plus vous augmentez votre densité, bien donc conséquemment, plus les forces peuvent vous communiquer soit en vibration pour l'action ou par la parole. C'est pas tout le monde qui va avoir conscience de la vibration par la parole. C'est ceux qui vont s'en servir qui vont avoir conscience parce que pour que les forces te parlent, il faut que ça te serve au niveau de la communication parole. Il y a beaucoup de gens qui vont être mis en vibration pour une action, sans réflexion, j'entends, là. Mais ce n'est pas nécessairement des gens qui ont le mandat planétaire de parler. Là, tu sais, moi, je vis dans un milieu qui est très ouvrier. Et puis ces gens-là, souvent, j'en vois, là, ils sont sur la vibration. Puis ils font les choses sur le sentier. Là, puis c'est extrêmement intelligent. Là, puis ils n'ont pas suivi de cours à l'université. Puis ça, c'est pas des intellos, inquiète-toi pas. Là, mais c'est des gens qui sont très vibrants. Là. Quand ils font les choses, ils vibrent au maximum de ce que leur programmation leur permet. L'intelligence, ça passe dans tout le monde en passant. C'est de l'esprit, si tu n'en as pas, tu meurs. Donc, même les bandits ont de l'esprit. Fait que c'est une dynamique qu'on juge. Quand on le juge spirituellement, on pense tout le temps que c'est des gens de bien qui peuvent être conscients. Mais les gens qui vivent dans des situations très aiguës, très difficiles, même dans une condition de guerre à tuer du monde, tu peux être très, très contacté, très, très vibrant. Mais peut-être qu'ici, on pourrait faire la nuance entre quelqu'un qui est vibrant astralement versus quelqu'un qui est vibrant sur le plan supramental. Moi, je ne fais pas ces nuances-là parce que ça fait de la hiérarchie. Personnellement, je suis aussi astral que n'importe qui. J'aime ça bien manger. Je suis dans une carabine par de ses oreilles depuis un an. Puis tu ne peux pas être bien plus astral que ça. Là. Mais moi, ce n'est pas l'astral qui m'énerve. Parce que de l'astral, c'est du matériel expérimental. C'est de perdre ta cohérence dans l'astral qui est le problème. Quand à un moment donné, tu n'es plus capable de saisir ce qui est ta propre vibration, parce que j'ai déjà fait de l'exorcisme, et puis des gens qui sont manipulés par de l'astral, ce que les gens appellent des entités, des affaires même. Moi, j'ai connu ça de proche. Là. J'ai vu des femmes là, qui pesaient 90 livres avoir des voix de gars de gars de club. Là. Puis je faisais écouter à la cassette, puis j'enregistrais tout. Je faisais écouter la cassette à la petite femme après, ben, elle disait, c'est pas moi ça. Je disais, je te jure que c'est toi, on est tout seul tous les deux dans le bureau. Fait qu'il n'y a pas personne d'autre. Elle était tombée comme dans un état de transe, toute la patente. Mais ça, c'est une personne qui, dans sa vie, avait été fortement, comment on dit, bouleversée par toutes sortes de choses. Et puis elle s'était fait coller une entité dans le portrait. Là. Puis ça pouvait parler, cette affaire-là. Là. Ça pouvait prendre le thème de voix du gars de club. Là. Et puis, ces choses-là, j'ai vécu ça, moi, là, D'ailleurs, si tu veux savoir si un gars est un initié, tu peux demander de faire un exercice devant toi pour savoir si vraiment il est capable de faire la différence entre l'astral et le mental. Parce que c'est flagrant quand tu vois quelqu'un parler sur une mécanique d'âme, là, c'est hallucinant comment est-ce que ça parle. C'est. Versus l'esprit. T'sais. L'esprit, ça, c'est limpide. Tu vois bien que ça, c'est intelligent, c'est spontané, c'est instantané, ça a toujours une réponse à une question, ça n'a pas de bout, ça peut parler 100 heures de temps d'affilée, jusqu'à ce que le corps lâche, parce que c'est le corps qui va lâcher. Donc, une conscience astrale, ça ne me fait pas peur. Ça, j'ai eu des consultations avec des bandits, ou des meurtriers, puis là, patente, ça ne m'a jamais affecté. Mais une personne impressionnable, oui, elle peut l'affecter, puis là, elle va se faire astraliser, ça c'est sûr. Parce que justement, elle va être dans le jugement, elle va être dans une sorte de logique de bien et de mal, puis c'est là que tu es vulnérable dans ce sens-là. Et en lien avec ça, toi, dans le fond, ce que je comprends, c'est que tu vas au-delà des polarités, là, c'est-à-dire l'astral versus ce qui est plus lumineux ou de l'esprit ou supramental pour parler de force d'une manière plus indifférenciée. Où est-ce que la lumière prend son utilité? C'est une bonne question. C'est en plein soleil que tu en as besoin? Non. C'est quand tu fais noir, hein? Exact. La lumière cherche les ténèbres. Puis les ténèbres cherchent la lumière. Fait que c'est des points de rencontre harmonieux, moi, je trouve. Fait que moi, quand je rencontre une personne qui a un problème, c'est là que ça met en relief la lumière. Fait que j'ai du fun avec ça. J'ai du fun avec l'obscurité. J'ai passé ma vie, mais bien en noir, parce que la lumière était enveloppée de noirceur. Ben, c'est d'avoir, dans le fond, la capacité de jongler avec les paradoxes là, de l'existence. Ouais. La seule chose que j'essaie d'éviter, c'est que le mal me pénètre, dans le sens qu'il atteint ma santé. Il ne faut pas que ça atteigne mon corps. Que je sois capable de vibrer de la lumière dans le noir, dans le mal, c'est une affaire, mais il ne faut pas que le mal m'envahisse. Ce que je me protège du mal, c'est son côté envahissant. C'est très, très envahissant, le mal. Fait qu'il faut que tu sois capable de te mettre à l'abri de ça. Fait que dans une expérience d'âme, moi, quand j'écoute parler quelqu'un puis qu'il y a un ton dominant, fais bien attention à ça. Parce qu'il y a une différence entre avoir de l'autorité. L'autorité, ça s'exprime avec force, mais ça ne s'impose pas. C'est imposant, mais ça ne s'impose pas. Il n'y a pas d'intention en arrière de la lumière en termes d'autorité. Tandis que quand c'est une autorité qui a une charge astrale, ça veut te dominer. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que ça veut te diriger. Ça veut t'imposer une ligne de conduite, une ligne de pensée. Ça, c'est délicat, ça. Ça, quand tu as cette dimension-là, ça va au-delà de l'autorité. Ça, c'est assez délicat. Même les gens qui ont des vérités qui sont liées à du bien peuvent être des éléments de mal dans la vie de quelqu'un parce qu'ils peuvent vouloir imposer à la personne une ligne de conduite bien. Il ne faut pas oublier que dans la vie, c'est le mal qui forge la force. Hein. Fait qu'une personne qui vit une expérience difficile, ça ne veut pas dire qu'il faut que tu l'arrêtes. Ça peut être nécessaire qu'elle vive ça, justement, pour être capable de se donner une densité et puis être capable, après ça, de contenir son intelligence ou son expansion. Moi, il y a beaucoup de gens que j'ai connus qui ont laissé une démarche dite de conscience. Puis il y avait tout le temps la même expression, il faut que je vive ma vie. Pourquoi? Parce que souvent, ce qu'on appelle la conscience dans ses principes ou dans ses idées, c'est extrêmement virtuel pour les gens. Donc, c'est vécu comme une philosophie, puis un mode de fonctionnement à suivre. Et ça, dans un sens, c'est très religieux. Fait que ça a une perception chez l'individu comme un peu dogmatique. T'sais, style, si tu ne fais pas ça, tu auras telle conséquence. Moi, j'ai vu du monde manipuler les gens avec les thèmes de Bernard. J'ai vu des femmes dire à son mari, Bernard a dit ça, il faut que tu fasses ça. Puis le gars, lui, il ne venait pas d'une conférence où il était pour faire son séminaire. Puis j'ai vu des divorces à cause de ça, parce que la femme, elle ne respectait pas le milieu ou le rythme de vie de son environnement, y compris ses enfants, souvent. Donc, c'est délicat, la notion de vérité, c'est très, très dangereux. T'sais, on a des guerres religieuses. Le pendant ou la polarité de la guerre, c'est la religion en passant. Hein. Que les pires guerres, ça a tout le temps été des guerres religieuses, avec un fond religieux. Que si les gens font une religion avec le supramental, on va être dans la merde pas à peu près. Puis la seule façon de faire une religion avec le supramental, c'est de donner au supramental une vocation de bien et une vocation de vrai. Les gens ils doivent comprendre que le supramental, c'est l'expression d'une réalité et non pas d'une vérité. La réalité, c'est vrai au moment que ça se passe. Mais une réalité change. Une vérité a tendance à se fixer. Le monde de l'astral veut fixer les choses pour établir des dominances avec ça. Alors que quand tu es dans le monde de la conscience, il n'y a pas de morale. C'est un élément de réalité. Tu traites avec la pluie quand il y a de la pluie. Tu ne dis pas il faut voir le soleil quand il pleut. Ça, c'est vouloir nier la réalité. Mais les gens en vrai vont avoir tendance à vouloir nier la réalité pour imposer une vérité. C'est bien délicat ce phénomène-là. C'est ce qui fait les gourous, les maîtres. Les maîtres, c'est des gens qui nient la réalité au profit de la vérité. Puis ça fait des religions. Oui, c'est ça. Puis le danger, la dérive sectaire, le dogmatisme, toutes ces bébelles-là. Mais ce qui arrive, c'est que souvent, les gens qui ont baigné pendant des siècles et des millénaires dans un univers très religieux, entre autres au Québec, on vient à peine de sortir de la Révolution tranquille dans les années 60. C'est sûr que quand arrive une nouvelle façon de faire, comme le supramental, les gens vont interpréter ça à partir des paramètres qui étaient déjà là au préalable. Oui. Fait que ça crée, veut pas, un phénomène de récupération sous une forme religieuse qui va s'emparer du supramental ou les formes anciennes qui vont essayer de récupérer ça à leur avantage, j'ai l'impression. Ouais, mais moi, souvent, je vais dire aux gens, écoutez, les forces, parce que je parle pas vraiment du mot. Moi, le mot supramental, c'est pas, ça habite pas bien mon vocabulaire, là, j'avoue. Je vais parler plutôt des forces. Moi, les forces puis Dieu, c'est la même chose. Les anges, puis le double, c'est la même chose. C'est juste que ça a une approche plus scientifique, c'est tout. Vous autres, vous en avez fait une religion avec des croyances puis des prières. Puis nous autres, on parle plutôt que de parler de prières, qui avait la fonction de mettre les gens en vibration. Parce qu'une prière, c'est comme une incantation, tu sais. Tu répètes, puis tu répètes, puis tu répètes. Puis le but, c'est d'atteindre une espèce d'état alpha, là, pour justement vibrer avec un certain registre. Bon, ben, je dis, nous autres, plutôt que de parler d'incantation, ben, on va parler d'être mis en vibration, puis d'agir sans vibration, dans l'instantané, puis C'est juste une terminologie, parce que toutes les religions, quand tu étudies toutes les religions, ils ont toutes les mêmes bases. Hein. Ça parle toutes de polarité, du bien, du mal, de l'enfer, du ciel, c'est ça. Et moi, la seule chose que je fais comme différence, c'est que l'astral, c'est une programmation d'âme, c'est tout. Et puis, qui sert à l'esprit. Il ne faut pas que tu penses que c'est contre l'esprit. C'est apparemment contre l'esprit, parce que l'esprit, dans sa finalité, ça t'emmène à une transparence, tandis que quand tu es dans l'astral, ben, tu es coloré. Mais la coloration, c'est une étape de vie, c'est pas une finalité. C'est que, pour moi, c'est juste que bon, chaque personne a son âme éveillée, tu n'as pas le choix de passer par là, puis il faut que tu comprennes les mécanismes à travers ton esprit. C'est simplement ça, c'est tout. OK, ben c'est intéressant ce que tu amènes, parce que moi, de ce que je comprenais de l'enseignement de Bernard de Montréal, c'est qu'il fallait se débarrasser de l'astral, puis l'astral, il fallait faire la guerre aux forces astrales. Écoute, Bernard est arrivé dans les années 80. Il parlait des gens qui étaient aujourd'hui des baby boomers, là. Il parlait des gens qui étaient très spiritualisés. Chose que vous autres, votre génération, vous n'êtes pas. Vous n'êtes pas spiritualisable. Okay? Parce que vous n'avez pas eu à vivre une phase religieuse comme nous autres, les baby-boomers. Donc, Bernard, s'il avait eu votre public de 30 ans, il n'aurait pas parlé comme ça. Il aurait parlé comme je te parle là. Moi, j'ai un langage qui est adapté à votre génération. Mais lui, il avait un langage qui était adapté à sa génération, parce qu'il était 12 ans plus vieux que moi, en passant. Et puis, à cette génération-là, il fallait avoir des consonances de ciel et d'enfer. Les gens comprenaient les domaines psychiques comme ça, avec des notions de bien et de mal, avec des valeurs morales. Et il fallait qu'il parle comme ça. Mais je peux tout te décoder son langage, je peux même te décoder ses cassettes et te les remettre au goût du jour. Je n'ai pas de problème avec ça. Parce qu'il fallait qu'il parle de colère mentale au même titre que moi je te parle de tenir compte de la densité de la contraction ou de la densité du mal nécessaire pour pouvoir être capable d'affronter quelque chose. Mais quand tu regardes Bernard dans sa colère mentale, il fallait qu'il y ait une colère, donc un mal, pour contenir l'énorme quantité d'esprit qui passait dans le cadran. Ça demande des gens, des gars comme lui, comme moi, je suis peut-être le 1/10 de ce qu'il était en termes de colère, mais des gens conscients, c'est pas des cadeaux. Il faut pas vous imaginer que c'est des allumeurs de lampions, là. Moi, je suis une machine de guerre. Je te parle doucement parce que je parle à du monde, puis je suis dans un micro-téléphone, puis que... Mais quelqu'un qui fait affaire avec moi et qui est dans un trip astral, là, il passe un mauvais quart d'heure, je peux te le dire, il va être en sueur puis il va vivre une semaine d'enfer. On est des guerriers. C'est des guerriers. Ils nous appelaient les guerriers de l'Apocalypse. On est des guerriers. Tu sais. Et puis, ces êtres-là sont en guerre parce qu'ils doivent être denses. Ils doivent être des êtres qui sont extrêmement combatifs, parce que la lumière, quand elle rentre dedans, là, je t'ai dit qu'elle t'en fait passer toute une machine. Elle te fait affronter justement l'astral, elle te fait affronter l'hypocrisie, la jalousie, l'instinct animal chez les gens, la possessivité, le territorialisme, ces choses-là. Ça n'a pas de bout de comment est-ce qu'il faut faire la guerre. C'est une guerre mentale, mais c'est une guerre pareille. Souvent, un gars comme moi, ça a eu des incarnations de samouraï. Un gars comme Charles Sabourin, ça a été un samouraï dans le même temps que on s'est rencontrés là. Donald Moses, la même chose. Je disais tout le temps, on est les trois samouraïs de Bernard. Bernard avait besoin de bodyguard à l'époque, puis on était ses bodyguards. C'est sûr que dans la dynamique de la conscience, vous allez avoir une espèce de zone de conflit avec des humeurs, des sentiments, des émotions, la manipulation de l'amour telle qu'elle est vécue à travers le cinéma, ces choses-là. C'est horrible le combat que tu as livré là-dedans, comment que les femmes se font firewapper avec ça. C'est hallucinant, là. Fait que c'est un combat, c'est vrai. Fait que, il y a un combat avec l'astral. Bernard, à cette époque-là, il parlait à des gens qui étaient plus astral que mental, donc plus loin de l'esprit que lui. Puis il était obligé de parler leur langage à eux autres, parce que les gens étaient prêts de vivre la schizophrénie temporaire. Avant que tu saches que l'esprit, c'est ton esprit, il faut qu'ils divisent l'esprit de l'âme pour te faire voir la différence entre l'âme et l'esprit. Il a pris, je ne sais pas, au moins 15 ans de sa vie à faire ça. De diviser, de rendre les gens pratiquement schizophrènes à lui dire les forces puis vous autres. Mais c'est pas les forces puis vous autres. Au stage où moi je parle avec les gens, je lui dis les forces, c'est vous autres. C'est pas les forces et vous autres. C'est vous autres les forces. Acceptez que pour que ça puisse être clair que c'est vous autres qui se manifestent, il faut que dans vos actions, vous ayez de la contenance, de l'autorité. Si, c'est ça. Sinon, vous êtes encore astralisable, donc vous pouvez changer modifier, altérer la direction de la vibration. Puis là, il est pris dans des expériences épouvantables. C'est ça. Mais ça, si tu veux vérifier les gens qui se disent initiés, là, tu vas leur faire un exercice. Tu vois ça que c'est pas qu'un petit party à peu près. S'ils sont réellement sérieux dans leur démarche, ils vont être capables de le faire. Mais si c'est des fluffs-là, là, inquiète-toi pas, là, ils sont pas capables de prendre le coup. Là, ça, c'est ben, c'est quel exercice qu'il faudrait leur faire faire comme test? Alors, un exercice, c'est retirer... Pour te faire ça simple, là, c'est d'emmener un individu à parler, tu sais, sur... Au début, tu vas dire il faut que la personne parle sur le contact, mais il n'y a personne qui parle sur le contact en premier. Ça va toujours sortir une mémoire d'âme quelconque, un contrat avec une entité que tu as eu dans une autre vie, qui t'accompagne, qui te chevauche dans cette vie-ci pour aller chercher de l'expérience de vie ou de la lumière, en d'autres termes, sans être obligé de s'incarner. Et surtout ceux qui sont pris avec des forces spirituelles bien grandes, souvent c'est des entités dans le très haut astral, qui sont très intelligentes, qui connaissent même l'avenir dans bien des cas, et puis qui ne veulent pas s'incarner, donc qui servent d'un demi, là, comme nous autres. Là, quand on est sur la Terre, on est des demi pour ces forces-là. Puis bien souvent, ben là, quand tu réussis à les faire parler, à les démasquer, parce qu'il faut que tu démasques l'entité, là, c'est pas évident. Et puis là, à partir de là, ben là, la personne est libérée. Parce qu'une entité, ça veut toujours avoir un énorme, tu sais, ça veut toujours comme fermer un contrat. Fait qu'il faut que tu saches qu'est-ce qu'elle veut apprendre dans la vie de la personne. Puis une fois que tu sais qu'est-ce qu'elle veut apprendre, ben là, tu lui donnes l'information qui est nécessaire pour ça. Puis là, ben, elle va se dégager de la personne. Parce que le pourquoi qu'elle chevauche la personne, c'est en fonction d'un contrat ou d'un mandat qu'elle s'est donné avec la personne. Une fois qu'elle a son âme, ben là, elle s'en va. C'est ça de l'exercice. Mais quand c'est fait sur une base religieuse, là, t'sais, le monde s'attend à ce que ça crache du vomi et tout ça va pas tendre. Ça m'est déjà arrivé d'en prendre une arménienne, là, que c'était pas drôle à voir aller, là, mais t'sais, de là à voir ça comme ça se passe dans les films, c'est bien, bien amplifié dans les films. Je sais qu'il y a des gens qui peuvent le faire, puis arriver à des états de transe épouvantables. J'en ai entendu parler, mais moi, ça m'est jamais arrivé. Il faut croire que les fosses, je voulais pas que je me tape ça trop longtemps. Là. J'ai arrêté de faire ça parce que ça avait des conséquences sur ma vie personnelle. T'sais, quand tu es avec le culte, tu joues pas avec des petites affaires. Là. C'est plus fort que le gouvernement, ça, cette affaire-là. Entre l'impôt et les entités, j'aime mieux l'impôt. Mais je pense que ça pourrait être intéressant de parler aux gens qui nous écoutent actuellement du type de justement de conséquences que ça peut avoir dans notre quotidien si on va justement jouer avec le culte ou on s'intéresse là, à interagir avec ces types de forces-là. Hey, on fait ça à l'Halloween, ça va être bien meilleur. Oui, on fera une émission spéciale là-dessus. L'Halloween, on va attendre l'Halloween. On vous allez mettre plein le casque, ça va être drôle. On va essayer de faire un exercice au téléphone, ça va être drôle encore plus. Sinon, dans un autre registre, je serais curieux de savoir si tu avais un conseil pour les gens qui aimeraient être capables de décoder leur programmation. Est-ce que c'est quelque chose que tout le monde peut faire ou... Oui, sans être obligé d'être astrologue. Oui, ben c'est ça que je voulais en venir, là, sans avoir des connaissances intellectuelles à ce niveau-là. Est-ce que... Il y a beaucoup de gens qui me demandent ça sert à quoi ma vie? Tu sais, c'est quoi mon mandat cosmique? C'est quoi mon statut universel? Je l'ai entendu souvent, cette affaire-là. C'est pas bien ben compliqué dans un sens. Tu fais juste voir, depuis que tu es au monde, à quoi tu as été utile. Vous êtes en vie parce que vous êtes utile. Le jour où vous n'êtes plus utile dans le sens de votre mandat, parce qu'on peut être utile forever, mais le jour où tu n'es plus utile dans le sens de ta programmation, ils vont faire de ton programme une version 2, une version 3, une version 4. Ça veut dire que tu vas devoir te réincarner. T'sais, un gars comme Bernard est mort, mais il aurait pu être utile encore longtemps pour ça. Mais par rapport à son mandat, par rapport aussi à sa vie personnelle, il fallait que quelque chose change, puis ils l'ont éliminé du terrain. Puis moi, ce que je remarque, c'est qu'il a laissé un message fort, parce que ça continue. Et puis, je pense que moi, je vais mourir quand je ne serai plus utile, parce qu'il va y avoir des gens qui vont être pris de relais. Puis à ce moment-là, ben, en n'étant plus utile, ben, je vais aller faire un job ailleurs, tu sais, dans un autre temps ou sur une autre planète, c'est pas n'importe quoi. Mais le travail va avoir été fait. Je pense que chaque personne vient au monde faut livrer un message. On est tous des messagers. On donne beaucoup d'importance à notre vie de messager, parce que comme tout facteur qui a amené des lettres à une maison, il est obligé d'être en forme, marcher, puis etc. Puis quand ton corps n'est plus capable de suivre, hein, ton message, il va falloir qu'il soit livré par un autre, puis ces choses-là. Mais tout ce qui fait que dans ta vie, tu as été utile, ça te permet de décoder dans ta vie, dans tes rapports humains, à quoi tu sers. Puis à ce moment-là, tu peux commencer à décoder le sens de ta vie, là, comme tel. Moi, je me suis rendu compte que mon travail, c'était essentiellement, dans ma vie, c'était de le faire avec la femme, d'aider les femmes à se libérer de la domination. Puis avec les années, bien, ça m'a amené à travailler avec les hommes aussi pour qu'ils arrêtent de dominer. En passant par moi, parce que moi, j'étais dominant au niveau mental. Bernard m'a dit, Mané, c'est extrêmement dominant mentalement. Mm-hmm. Mais en lien avec ce que tu dis, ça me fait beaucoup... ça me fait, en fait, des prises de conscience, parce que moi, j'ai réfléchi à ma vie. Moi, depuis plusieurs années, je suis comme préparé tout le temps à faire de la communication. Puis là, j'en fais de la radio. Puis là, je me dis, si je fais mon mandat trop rapidement, ça veut dire qu'à un moment donné, je ne serai pas utile à l'autre bout. Donc, je vais être éliminé de la carte, tu sais. Écoute, les médias sociaux, ça commence, là. On n'est pas rendu encore à la portée politique et économique que ça peut avoir, là. En tout cas, c'est embryonnaire. Pour moi, ça fait pas plus que quoi. Twitter, ça fait 2 ans, 3 ans, peut-être. Twitter, Facebook, peut-être plus, 5-6 ans, max. À peu près dans ce coin-là, ouais. Ouais, bon, pour moi, ça débute, là. Ouais, maturité, c'est 21 ans. Fait que c'est pas mature avant 21 ans. Il faut au moins 3 cycles de 7 ans. Là. Un cycle complet saturnien, c'est 28 ans. La maturité, c'est 28. La maturité complète, 28 ans. À 21 ans, là, t'en sais assez, là, tu sais, t'en sais assez pour être un élément d'information dans ton environnement, là. Fait que, Quand les médias sociaux vont faire 21 ans, là, puis que le gouvernement va essayer par tous les moyens de contrôler ça, puis qu'ils sont pas capables, bon, là, on pourrait dire qu'il y a une nouvelle ère qui s'est installée. Mais là, écoute, 2026, là, ça donne quoi encore? Un bon 15 ans? Donc, 15-16 ans? Oui, mais c'est drôle que tu donnes cette date-là, parce que c'est très proche de 2023 que parle Richard Glenn là, depuis près de 30 ans dans ses conférences. Ah, peut-être. Ben écoute, j'ai donné 2010, puis la crise économique a commencé là. Okay. Moi, je me fiais sur l'effet de Pluton en Capricorne. Mm-hmm. Puis, quand Pluton est entré en Capricorne en 2008, c'est là qu'Obama s'est fait élire. Okay. Il s'est fait élire à peu près en même temps que Pluton rentre en Capricorne. Et puis, Pluton, quand il rentre en Capricorne, ben, c'est les révolutions françaises. Tu checkeras, là, c'est des mouvements de presque 90 ans. Puis là, c'est toutes les révolutions américaines, ça s'est fait dans un Pluton en Capricorne. Et puis, tous les grands bouleversements sociaux sont faits quand Pluton est rentré en Capricorne. T'sais. C'était juste le preview avant Pluton en Verseau. Lui, écoute, un noir qui se fait élire comme président des États-Unis, là, on s'entend là, que c'est pas commun, là, OK? Donc, ça, c'est une révolution internationale. Puis, c'est ça. Depuis ce temps-là, ben, il y a des changements dans les structures bancaires, dans toutes sortes de bubbles, qui ont un caractère politique, économique. Les structures, c'est ça. Le sang d'un pays, c'est l'argent. Est-ce que tu crois qu'on va se diriger dans les prochaines années avec des problèmes environnementaux encore plus graves qu'on connaît actuellement? Si on parle de la nature, j'ai lu le livre 2012, là, puis le gars, il ne parle que de ça, là, les taches solaires, les volcans, etc. Mm-hmm. Ça n'a pas de l'air d'être rose, honnêtement, là, ça n'a pas de l'air d'être rose. Fait que je ne suis pas un spécialiste là-dedans. Je ne m'applique pas vraiment à m'occuper de politique internationale, parce que l'essentiel de mon mandat, moi, il est dans le pratico-pratique individuel, tu sais. J'étais un coach, j'étais un gars de one-on-one, j'étais un gars de petits groupes. Moi, je suis bien avec des groupes de 15, 20 maximum. Là. Fait que quand j'arrive dans du gros collectif, on dirait que c'est pas ma paire de culottes. Là. Mais je te dirais qu'à visu même, ça serait normal qu'il y ait des problèmes avec la nature parce que les gens, psychiquement, changent beaucoup et très rapidement. Et puis ces changements-là, ben, ça connecte avec la nature. Tu sais, Bernard disait tout le temps, je suis un régent planétaire. Ça voulait dire qu'il était à l'origine de l'intelligence du Soleil, donc conséquemment de l'influence qu'il y avait sur les planètes qui l'entourent, dont la Terre. Et puis, ça supposait que chaque planète a une intelligence et un monde d'intelligence qui habite chaque planète. peu importe la nature physique de la planète. Donc, la planète a une intelligence en soi qui réagit à son, au peuple qui l'habite, aux animaux qui l'habitent. Écoute, moi, je vis dans la nature avec une trentaine de chats, pour te dire une chose. Les chats, ils ont une façon d'être, ils ont une façon de vivre, ils ont un senti. J'ai beaucoup appris que mes animaux, bien plus qu'avec les humains, bien souvent, là, sur des choses subtiles, parce qu'un chat, ça parle, mais ça capte, ça sent les choses. Fait que c'est plus proche de la vibration qu'un être humain. Il ne faut pas dire qu'un chat, puis tu vas l'emmener à l'université, puis il va passer des examens. Là. Fait que la nature a énormément d'intelligence vibrante, vibratoire. Donc, si les gens vibrent différemment sur la planète, il va y avoir des grosses mutations qui vont se faire sur le plan physique. C'est conséquentiel. Moi, je suis plus à l'étude de l'origine des choses que de la conséquence des choses quand je traite avec une solution. Pour ça, je traite avec les gens parce que je suis plus capable d'aller étudier la virtualité de leur fonction sur la planète. Fait que, tu veux dire, avec une personne, ouais, tu as de la misère, mais tu as de la misère à cause d'eux, puis c'est pour telle chose, puis dans le temps futur, tu devrais faire ça si tu passes ton test. Ben, ça, c'est travailler avec la virtualité des gens. Fait que la physicalité, c'est comme une conséquence. Tu manques d'argent à cause d'eux, tu as de l'argent à cause d'eux, tu manques d'affection à cause d'eux, puis tu sais, je suis toujours capable d'expliquer la cause des choses. Pourquoi? Parce que je m'en vais dans la virtualité des choses. Puis, ce qui est virtuel sur une planète comme la nôtre, c'est le comment vibrent les gens. Quand attends, t'as rien vu, là. C'est quand les femmes arabes vont commencer à changer un arabe. Parce qu'un arabe, ça ne changera pas de l'extérieur. C'est la femme qui va changer l'arabe. Les arabes vont changer les façons de voir à cause des femmes. C'est très important, la femme. Bernard disait, il avait commencé un livre sur la femme. J'avais dit de ne pas sortir tout de suite parce que c'était un petit peu trop choquant pour la femme actuelle. Mais en principe, là, ce qu'il disait, c'est que la femme est l'intermédiaire direct des forces. Quand un homme ne comprend pas des forces, c'est la femme qui va y faire vivre ça. Donc, c'est la femme qui est un peu comme le bouc émissaire des forces pour l'homme dans sa vie matérielle. Puis la septième race, la femme ne s'incarne pas, reste ses plans, puis le gars est fidé, ses plans. Bien là, il va avoir un rapport direct entre l'invisible et le matériel. Fait que la femme et ses plans, puis elle communique à l'homme. On s'entend que le sexe doit être passé depuis ce temps-là. Là. Fait que, c'est ça. Fait qu'on est dans la sixième race, une race scientifique, une race qui va avoir à traiter avec la science de la vibration. Et puis ça va remplacer le fameux cristal des Atlantes là, dans le temps de la quatrième race que les extraterrestres avaient apporté pour lui donner une certaine mobilité matérielle. Mais là, c'est ça. On est réellement rendu dans le fly. Donc, on est mieux de faire attention parce qu'on finit l'émission. Oui, c'est ça, exactement. Mais c'est ça, mais pour revenir du pratico-pratique par rapport aux gens, je pense que l'élément important du message qui découle de la soirée, c'est la capacité de faire face aux contractions puis aux mouvements expansifs dans nos vies, puis d'être capable de les voir puis de les décoder. Oui, c'est ça. Ça, les décoder, c'est pas compliqué. Tout ce qui ne fait pas ton affaire, c'est de la contraction. Puis tout ce qui va dans le sens que tu veux, donc dans ce qu'on pourrait appeler ou qualifier quelque chose de cohérent dans ta vie, ça, c'est le mouvement de l'intelligence, donc de l'expansion. Donc, dans l'astrologie, c'est Saturne, c'est Jupiter. Quand tu as des mouvements comme les Capricornes cette année, ils sont exposés à beaucoup, beaucoup de contractions. Pourquoi? Parce que Saturne, Pluton est en Capricorne. Non, pas Saturne, mais Saturne, Pluton est en Capricorne principalement. Ça crée beaucoup de restrictions. Saturne est en balance, mais est en carré avec le Soleil en Capricorne. Donc, les gens qui sont à subir des éléments de contraction, ben, il faut qu'ils comprennent que tout ce qui se passe autour de ça, ça prépare une expansion potentielle, s'ils passent les tests. C'est toujours conditionnel au fait que tu passes le test. Pas passer le test, c'est se plaindre. Quand tu te plains, tu ne passes pas le test. OK. Quand on parle de test, pour que ça soit concret par rapport aux gens, est-ce que ça peut être de perdre un être cher, perdre sa job, des phénomènes de deuil? Comment? Puis là, tu chiales. Ah, je suis pas capable de te dire, je tombe bien ici, je tombe bien ça. Tu sais, tout ce qui crée dans ta vie, indépendamment de tes ressources, tout ce qui crée un effet de diminution, là, ça, c'est une contraction. OK. Et ça peut être comme tu dis, tu n'es pas obligé de perdre quelqu'un, là, que ce soit. Parce que les gens, ils vont tout le temps dans le gros drame, là, que là, c'est justifié de se plaindre. Mais tu peux te plaindre, c'est des petites affaires. Puis c'est les petites affaires qui font qu'à un moment donné, si tu te plains trop, tu as des grosses affaires. C'est conséquentiel. Il ne se passe pas de grosses affaires. Si tu fais tes paiements, si ta carte de crédit régulier, tu n'auras pas d'huissier qui vont sonner chez vous. Là. Okay. Quand tu es rendu au huissier, là, c'est parce qu'il y a un paquet d'affaires qui n'a pas été fait avant que ça arrive. C'est simple de même. Donc, c'est dans les petits détails de la vie, c'est dans le quotidien okay. que la game. Tu sais, donc, autrement dit, si on agit tout le temps sur la vibration, ben à ce moment-là, on n'aura pas de trouble. Oui, ultimement, c'est ça. Excepté qu'il ne faut pas penser que la vibration, c'est juste du bien. La vibration, c'est beaucoup de tests aussi. Là. Quand je te dis que j'ai perdu une de mes meilleures chattes à cause que j'ai fait cette émission-là, je peux pas dire que je la trouve drôle. Ça me met bien, bien au neutre, mettons. Parce que là, c'est correct que je file bien là, mais à matin, là, je filais pas. J'étais plutôt du genre en tabarnak. Okay, parce que moi, je connais les lois de cause et effet, là, pis ces choses-là. Ben, les forces, à un moment donné, ils sont obligés de te passer des tests, sinon ils sont obligés de fonctionner à travers tes propres limites. Pis c'est pas ça qu'ils veulent, eux autres. C'est un monde qui vit pas dans le temps, ça. Ça vit dans le mouvement. Le mouvement, ça implique du mouvement, donc quelque chose qui change tout le temps. On n'a pas tout le temps le goût, nous autres, en tant qu'égo, de se faire brasser le yoga tout le temps. Là, on a, un moment donné, on veut le manger, là, on veut être tout le temps brassé. Il y a des fois que j'en ai ras-le-bol de me faire brasser. Moi, là, c'est ça, c'est contrariant que tu aies perdu un chat. Puis j'ai d'autres invités que j'ai reçus dans mon émission qui ont eu soit des obstacles, comme toi, tu n'étais pas capable de te brancher sur Skype, des trucs comme ça qui sont arrivés. Puis c'est comme... Bon, il y en a un qui dirait que c'est des résistances du monde astral. Je ne sais pas qu'est-ce que tu penses de... Toute contraction a une base astrale, c'est sûr. Mais tu sais aussi, toute satisfaction a une base astrale aussi. La personne est bien contente de pouvoir s'acheter un Mercedes. Là. Mais c'est une expansion, mais à caractère astral. Ça, je te dis, laissez pas le monde de l'astral vous mettre dans un rapport de controverse avec l'esprit. Là. L'esprit se sert de l'astral. C'est pas, tu verras jamais l'inverse. Là. J'ai jamais vu une entité manipuler l'esprit. J'ai vu l'esprit se servir d'entité ou servir de force astrale, mais pas l'inverse. Mais c'est au service de l'esprit. Tout ce qui existe sur la planète est au service de l'esprit. Il n'y a pas de destruction sans que l'esprit ait mis le hockey là-dessus. Mais la question que je me pose, c'est que si je te réinvite à mon émission, j'espère qu'il n'y aura pas un autre chat qui va mourir. Là. J'en ai 35. On en a pour un bout, mais je trouve ça dommage. Ouais, j'ai des chats là, qui ont accouché. Là. J'en ai eu 8 ou 9 autres là, qui sont en process. Okay. Puis j'en ai donné 5 hier à une fille qui a dit qu'elle va me les ramener quand ils vont être sevrés. Parce que j'avais une chatte qui ne voulait pas nourrir ses bébés, justement, parce que c'était trop de chats à la maison. Okay, c'est ça. Mais je veux dire, le questionnement que j'ai, c'est comment il pourrait avoir un système autre que justement de perdre un chat où il y en a d'autres qui ont eu d'autres obstacles dans leur vie pour justement manifester cette conscience-là. Y a-t-il d'autres moyens, d'autres alternatives? Non. C'est comme ça. C'est comme ça. Puis ce qui nous protège, c'est le côté. C'est les ceux qui nous écoutent. Ceux qui nous écoutent qui comprennent rien. C'est eux autres qui nous protègent. Parce qu'en comprenant rien, ils amplifient rien. Okay. Dans un sens, moi, j'ai juste perdu un chat, puis mon computer a sauté. Mon disque dur a planté. Je suis obligé de me mettre à jour avec un autre disque dur, puis je vais aller chercher le même. Mais c'est ça. Mon ordinateur a sauté. Tout à cause de ça. D'un autre côté, si tout le monde comprendrait ce qu'on parle, ou qu'il n'y aurait pas d'adversité dedans, là, ça a été bien pire que ça. Là. Parce qu'il y avait eu une grosse vague d'expansion. Chose que je ne suis pas pressé. Moi, je me dis, tant que les gens ne comprennent pas, ben là, on peut dire ce qu'on veut. Si le monde comprenne instantanément, là, il faudra faire attention à ce qu'on dit, parce que ce qu'on dit, ça va passer à l'action demain matin. Fait que, whoop, et là, ça a plus de conséquences. Là. Tandis que le monde, pendant le temps, qu'ils réfléchissent, puis qu'ils disent, ouais, ça a de l'allure, ça n'a pas d'allure. Ça, je coupe pas ça, puis ça. Ben là, ça me donne du lourd, ce moment-là. Là. Je peux dire n'importe quoi. Mais à ce moment-là, oui. Voilà. Oui, ben dans le fond, à ce moment-là, si je te comprends bien, le fait qu'on communique avec des gens, ça a des répercussions psychiques chez eux, puis chez nous également, là. Il y a comme une rétroaction là-dedans. Ben oui, ça a bien plus de conséquences quand tu parles avec quelqu'un qui te comprend qu'avec quelqu'un qui te comprend pas. Vous n'avez jamais mesuré ça, vous autres, mais moi, je l'ai mesuré au cours des années. Quand tu es avec un groupe de gens là, qui est sympathique à ta cause, là, c'est avec eux autres que ça avance vite. Mais quand tu veux prendre un break et qu'ils comprennent, il faut que tu fasses attention à ce que tu dis, qu'est-ce que tu fais, comment ça pense, comment que si, puis comment que ça. Moi, j'adore les gens qui sont adversaires parce qu'ils me donnent un break, ils me donnent des vacances, eux autres. Ouais, c'est pour agir. Ouais, c'est assez spécial parce que dans le fond, ce que tu dis, c'est que paradoxalement, le fait que les gens ne nous comprennent pas, ça nous donne plus de place pour être libre d'aller dans plusieurs directions. Oui, libre, c'est une façon de parler. Ouais, ça permet d'explorer. Ouais, les ouais. gens explorent avec des gens qui nous rejettent. Quand quelqu'un te rejette, tu peux être n'importe quoi, mais quand quelqu'un t'accepte, il faut que tu sois quelque chose qui s'attend. Tu es d'accord avec ça? Dans le sens qu'il t'accepte au niveau de l'ego, faut que tu répondes à ses attentes. Ben, c'est ça, mais le fait de t'accepter, il y a des attentes. Oui, c'est vrai. Le fait, ils te nient. Ils vont nier ton existence. Okay? Tu es totalement libre. Moi, j'ai toujours dit, quand quelqu'un te rejette, c'est parce qu'il ne te contient pas, fait qu'il te laisse, il te donne ton 4%, mais en même temps, tu es libre. Oui, c'est vrai, je l'avais pas vu comme ça. C'est intéressant ce que tu dis. Pourquoi tu penses que j'aime autant le rejet, moi, là? Là? C'est ma façon de protéger ma liberté. Okay. Quand je rencontre du monde, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je dis, ah, ben, oui, je fais des conférences. Quoi? Oh, fous-moi autant pas t'en parler. J'essaie pas de faire de la publicité, tu sais. Ben, pourquoi tu veux pas m'en parler? Ben, je, tu ne me regarderas plus de la même façon après. Puis là, c'est drôle. On tire de la carabine, tu tires ta balle à 2 pouces de la, du centre, puis moi 1 pouce, puis on a du fun. Mais là, après ça, quand tu vas savoir qu'est-ce que je fais dans la vie, là, tu vas tirer du croche. C'est pas ça que je veux. Moi, je vais être un compétiteur. Ça m'intéresse pas. Mais je pense qu'au niveau aussi de la vibration qui va faire que tu n'interféreras pas sur les autres si tu sens pas que la personne est prête à recevoir ce type de matériel-là. Ben moi, je sais qu'est-ce qui va être rejeté. C'est tout ce qui enlève du pouvoir à l'ego. Quand je dis à quelqu'un, « Ah, t'es bon, tu tires bien. » Je dis pas, « Les forces t'ont bien fait tirer. » Ils ne comprendraient rien. Mm-hmm. Fait que, non, t'es bon, mais comment t'as pratiqué ça? Puis là, il me donne des trucs s'il veut bien, tu sais. Puis s'il me le dit pas, je dis, je pense que tu fais ça de même. Dis, comment ça que tu as vu ça? Ben, je sais pas. Ben, je suis médium. J'explique tout. Okay. Le même un gars, il est instructeur dans l'armée pendant 24 ans. Les armes, il m'a traité d'instructeur hier. Je suis pas instructeur, je suis accompagnateur. J'emmène du monde tiré. Je dis, oh ouais, mais il dit, tu parles comme un instructeur. Ah bon, OK. Je pense que c'est pas honnête. Okay. Il me voit de même, tant mieux. Ouais, ben c'est ça. C'est juste 8 mois que j'emmène du monde tiré. Mais quand tu te fais dire ça, c'est comme avoir un diplôme, ça. Okay. Intéressant. Ben ouais, ben c'est... moi, je donne pas d'importance à ça. Non, ben si je... Si je donne d'importance à ça, okay. Là, je tomberais dans une méchante trappe. Non, parce que sans ça, tu ferais de l'ego là-dessus. Ben, c'est ça. C'est ça que les gens font en général. T'sais. Eux autres, le rejet, c'est grave. Se faire accepter, se faire reconnaître, c'est vital ou c'est vital, vital. Combien de gens qui souffrent de ça, c'est hallucinant. Je reconnais pas mon intelligence. Pas grave, ça. Là. Puis, pour les gens qui te consultent, est-ce que c'est par rapport à certains types de problématiques prédéfinies ou c'est at large? C'est, écoute, je touche à tous les problèmes existentiels possibles. C'est sûr que le couple, c'est l'élément qui revient le plus souvent. Ensuite, c'est les orientations professionnelles. Il y en a que, bon, ils viennent dans mes conférences, puis ils veulent avoir quelque chose de plus personnalisé. Ils veulent avoir des questions sur le sujet qui a été parlé, puis qu'ils veulent que ce soit plus eux autres, là, plus personnel. Puis là, ils viennent en consultation pour ça. Il y en a qui c'est pour prendre carrément des formations, le stock market, entre autres. Il y en a qui c'est pour accompagner, puis ils veulent s'acheter une auto, puis ils ne veulent pas se tromper. Fait qu'ils veulent que j'aille, puis que sur la vibration, je les indique ce qu'ils devraient avoir. J'ai accompagné une quarantaine de personnes dans des achats d'automobiles, d'autres pour des achats de maison. Mais tu sais, c'est tout ce qui est le gros pratique de la vie, là, puis qui ont besoin d'avoir une lecture différente de la leur. La plupart des gens, ils veulent éviter de faire une erreur. Et puis là, ben, faire une erreur, il n'y a rien comme le parler. Dans l'ordre de tout le temps, c'est bien important de faire de l'interface. Mais c'est ce que je fais avec les gens. Je le fais avec des gens qui sont dans des milieux d'affaires. Je le fais dans des milieux, des fois, politiques. Je le fais dans tous les registres que les gens veulent parler. C'est un sujet, toi, tu veux me parler, mais tu m'appelles, puis on en parle. Peu importe la nature du sujet. Quand ça demande des compétences techniques, ben là, je vais te référer à des gens. OK. Donc, ben écoute, Daniel, je te remercie beaucoup pour le temps que tu m'as consacré généreusement ce soir. J'ai bien aimé parler avec toi, Néo. OK. Beaucoup, beaucoup. J'ai bien aimé. Bon, ben c'est beau. Donc, à bientôt. Salut bien. Bye. Bye.